Alors pour les amis de RQC et particulièrement pour les amis de 80 à l'heure, je vous dis bonjour, je vous aime, restez sur cette chaîne, c'est génial! À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline, Thérèse tient sur sa poitrine son nouveau-né, son doux tétard. Alléluia! Bien, ça y est, nous y sommes, Alléluia. L'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs, évidemment, de 20h à 22h30. Une émission, évidemment, dédiée aux années 80, entre autres, et pas seulement, hein, puisqu'effectivement, on va vous parler de plein d'autres choses, de plein d'actualités, plein d'autres chroniques. Avant de démarrer l'émission en trombe, évidemment, on va faire un petit tour de table pour présenter nos animateurs préférés. Vos animateurs préférés. Je vais commencer par le plus stylé. Allez, on va dire ça. C'est vrai quand même. Allez, Flip 4. Ah, oui, t'étais là. Je m'en doutais. Salut Flip 4. Salut, bonsoir. Salut à tous. Comment ça va? Bah, ma foi, ça va. Ça va ce week-end? Enfin, ma foi, ça va, mon foie beaucoup moins. Mais... Ouais, j'imagine. On a vu les photos. Ouais. Il se passe des choses le week-end. Il va falloir que tu nous racontes. Ah, ça dérapait, je le conçois. C'est vrai, c'est un peu parti en couille. Bon, d'accord. Et bah, enfin, bravo. Ce fut bon. Ouais. Ce fut bon. Bon, c'est le principal. Tant mieux pour toi. C'est une bonne chose. Ce soir, chronique, évidemment. Oui, bah, je vais faire plaisir parce que de mémoire, je l'avais fait. C'était une de mes premières chroniques. Donc. Et je pense que tu n'étais pas là, malheureusement, ce soir, je vais reparler des Pretenders. Et c'est vrai en plus, ouais, je pense que oui. Oui. Ah ouais, c'est possible. Je ne sais pas si tu n'étais pas à Miami à ce moment-là. C'est peut-être possible. Oh, c'est yeah. possible. Ouais. Effectivement. Miami. Ouais, ouais, Miami. Ça m'arrive. Ah oui, c'est vrai, à la Gay Pride. À la Gay Pride. À la Gay Pride. Excuse-moi, j'en ai pas parlé, ça m'est venu à l'esprit, mais je ne l'ai pas mentionné, c'est pas moi. Oui, c'est vrai, j'étais à la Gay Pride. Ouais. Et alors, moi, je suis ouvert, monsieur. Oui, tout à fait. Ah bah, non, mais, hey, on s'en est rendu compte depuis, il y a un courant d'air dans le studio, tu vois. Attention, mon ami Sherlock, je te prends au mot. Ah, moi, je préfère Ariel. Hein. Oui, mais... oui, ça va. Et bon. Sinon, non, je me souviens, c'est pour ça que je pouvais pas te charrier là-dessus, c'est pas moi qui ai lancé le truc. Je me souviens, cela dit, que tu m'avais envoyé une très belle photo. C'est vrai. Du studio de tatouage de Miami Ink. C'est rien pour toi en plus. Ouais. Et c'est vrai, hein, je t'assure. Je me souviens et je l'ai toujours. Ah, tu vois, donc j'ai pensé à toi. Le sentimental est de retour. Exactement, ah ouais, gros sentimental. Exactement, j'ai pas. Et j'ai cherché après pour toi. Hein. J'ai dit, mais c'est où? Parce que ça, enfin, franchement, faut savoir où c'est. Tout à fait. Déjà, faut regarder l'émission. Je l'avais jamais vu, donc déjà pour reconnaître la vitrine, je sais même pas si on voit la vitrine dans l'émission. Dans l'émission aussi. Oui. Bah, j'en sais rien. Écoute, honnêtement, donc pour te faire plaisir, je me suis mis devant. J'ai pas osé rentrer. J'aurais peut-être dû, peut-être, j'en sais rien, mais j'aurais fait un tatouage Flip 4. T'imagines? Oh, bah j'aurais été flatté. Ouais, c'est ça. Un petit formant, un mini formant. Ouais, un petit bébé. Là, sentez-moi bon. Là. Un petit bébé, c'est ça. Là, je ne serais pas félicité du tout. Ok, et eh bien donc, effectivement, bah, toi, on va te retrouver, si je ne m'abuse, à 21h30. À 21h30, pour ta chronique de Pretenders. Tout à fait. Allez, on continue le tour de table. Je ne vais pas être. Tant pis, je ne vais pas être courtois, mais on va continuer comme avec Sherlock. D'habitude. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut, donc, moi, Sherlock. Ça va bien, ça va. Ouais, t'as la pêche. Oh, la banane surtout. Ah, t'as la banane. Oui. Et alors, montre-nous ton t-shirt. Ah, bah, c'est. Allez, montre-nous, c'est quoi? Ah. Oh, ah oui, j'aime bien celui-là. Ah, bah c'est Hulk avec Maître Yoda. C'est ça. Et Maître Yoda dit ton père, je suis. Oui, oh, c'est pas mal. Ah, il faudrait faire une photo. Parce que là, c'est pas la lune, hein, c'est l'étoile noire, hein, enfin l'étoile de la mort. Ouais, ouais. Et tout en bas, les deux petites boules, c'est quoi? c'est les boules de Hulk. Alors, ce qu'il a pas dit, c'est qu'il l'a acheté dans toutes les langues aussi. Ouais. Donc la semaine prochaine sera le même, mais en allemand, ich bin dein Vater. Ouais, voilà, bah, oui, bah, pourquoi pas. Alors, évidemment, toi, on te retrouve pour la chronique rétro-ciné 81, ouais, à 21h. Ouais. Quelle année? 88, il me semble. Ouais. Ah, voilà. Hey, mais à chaque fois, on le colle. Hein. Il mais devrait le savoir. Quand la fois dernière, ça a été 84. Tout étonné. 84. On va reconnaître très vite ou pas? Oui. Ouais, c'est vrai. Si, si. Ah, bon. Laissez-moi une chance, hein, s'il vous plaît. Hein. Oh, et à mon avis, tu l'as vu. Oh, j'espère. C'est vrai? Ouais, je pense. Quoi? Elle a dû le voir. Bah, je l'ai vu. Tu l'imagines? Non, tu l'as vu quoi? Ah, mon cul. Ouais. non plus. Ah, bah, ça vole haut. Hein. Et puis, évidemment, ensuite, donc à 22h, bah, les sorties Cinoche, il va peut-être nous donner c'est envie ça, d'aller ouais. au cinéma. Bah, j'espère, ouais. Ouais. J'espère. Parce moi, que moi, il y a des petits trucs qui m'ont bien plu. Donc, non, franchement, ça. Ça te donne envie. Ça me donne envie. Ouais. Donc tu vas nous donner envie. J'espère. Voilà, ton envie va se transmettre par les ondes et tu vas donner envie à nos auditeurs et auditrices. Mais j'espère bien aussi. Demain, enfin, à partir de demain, parce que vous n'êtes pas obligé d'y aller demain, évidemment. Et alors, une belle nouveauté ce soir. Oui. Et c'est pour ça que je voulais terminer la présentation par notre belle et douce Onissa. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère Onissa. Que vous allez bien. Allez, bah, ça va. Écoute, nouveauté, puisque ce soir, ça va être une des premières chroniques de notre ami Onissa. Oui, je vais essayer. Donc, un petit billet d'humeur, ou plutôt, tu vas nous parler d'un événement culturel. Ça commence par un petit billet d'humeur, mais étant donné que j'ai une grande babelle, ça dévie toujours. C'est pas grave. Donc, on va retrouver effectivement notre ami Onissa à 23h pour sortir. C'est ça. Hey, je peux quand même dire merci à Sherlock, c'est lui qui m'a mis sur la voie. C'est vrai. Rendre à César ce qui est à César. Eh ben, on rendra à César ce qui est à César. Et voilà. Et puis, il a des belles gambettes, César aussi. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. On pensait pas, mais bon, c'est vrai. Et puis, on a aussi pas mal d'actualités. On vous parlera aussi d'un championnat de karaoké qui a lieu, alors, outre frontière, de l'autre côté de la frontière. Mais il faut qu'on en parle, puisque c'est notre ami Canon qui fera la présentation à la fois du jury et du concours. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Oui, exact. Voilà. Oui, il Donc, comment dit-on, Canon ne fera pas l'émission ce soir en anglais. Yes, tout simplement. Voilà. Non, on le salue au passage, évidemment, il est sur la route. Donc, pour des raisons professionnelles, on ne verra pas cette semaine ni la semaine prochaine. On verra d'ici 3 semaines. Il reviendra dans l'émission, bien évidemment. On ne l'a pas viré. Non, il s'est viré tout seul. Je ne vous cache pas que l'idée nous a traversé un peu l'esprit, mais on ne l'a pas viré. Il est toujours avec nous, notre ami Canon, donc vous le retrouverez d'ici quelques semaines. Et on vous parlera aussi également d'un autre événement qui aura lieu d'ici quelques semaines et qui nous tient à cœur, puisque c'est un événement qui est organisé par la radio RQC. Donc voilà, tout est dit. Et on va dire quand même bonsoir à toi, Harry, quand même. Oui, bonsoir. Il n'y a personne qui t'a dit bonsoir. Bonsoir, Harry. Mais si, tout à bonsoir, l'heure, quand je suis arrivé dans le bar, tout le monde a fait bonsoir, salut, machin, bisous. Oui, mais il n'y avait personne. C'est sauf vrai. Toi et moi. C'est vrai. Et on peut le dire au passage, on se les gèle. Et oui. Panne de chauffage, la totale. Quoi. C'est le jour et la nuit entre mardi dernier avec le chauffage qui est à donf. Ouais. Ce qui est. C'est ça, ouais. Oui, mais bon, la semaine passée, on a eu du chauffage et pas de son. Donc cette semaine, on a du son et pas de chauffage. C'est pas grave. Ouais, on peut pas tout avoir. Ouais. Voilà. Et la semaine dernière, on avait Onissa. Alors, oh là là. Bon, allez, on continue en musique. Oui. Avec une petite coupure dont seul Sherlock a le secret, évidemment. Bah alors, avec David Bowie et This Is Not America. Ah bah écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai bien envie de le dédicacer à quelqu'un qui nous écoute très certainement. J'aimerais bien le dédicacer à Eleni. Voilà. Ouais. Eleni. Voilà. Joli D'accord. prénom, hein. Ah, oui, c'est voilà. très joli. Je connaissais pas du tout. Prénom. Eh oui. Eleni, non, j'ai jamais entendu. Ben moi non plus. Et une personne que j'ai rencontrée il y a quelques semaines, Eleni, qui est une entre autres peintre sur corps. Oh, ouais, elle fait bien. Des peintures magnifiques. Je ne désespère pas un jour vous montrer son travail et surtout l'inviter ici pour qu'elle vous en parle. Je vais dire qu'elle peigne sur nous. Moi, il n'y aurait pas assez d'une émission. Il y a trop de surface. Tu serais étonné, mais elle arrive à faire des maquillages merveilleux. Je vous montrerai. Hein, je vous ferai un lien sur Facebook. Elle fait des maquillages merveilleux en 40-45 minutes. Mais du vrai maquillage, quoi. Donc, je vous montrerai ça. Donc, j'aimerais dédicacer ce titre-là, de David Bowie, pour Eleni. D'accord. Donc, This is not America. Yeah. This is not America. Et ensuite, on reviendra avec Prince et Purple Rain. Ah, j'adore. Allons-y. Version longue, en plus. Version longue, elle est 8 minutes 30. Wow. On va aller faire une sieste. C'est ça. On va se réchauffer, allez. Allez, c'est parti. This is not America. Never meant to cause you any pain. I'm the one who wants to have you laughing. Là, t'as le guitariste qui dit bon, comment on termine, bah, je sais pas. Allez, on va. Je vais dire, ok. L'autre, bah, au synthé, bon, bah, appuie sur Do. Ok. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur 80, enfin, dans 80 à l'heure sur dans, RQC. Ouais, ouais, dans l'émission 80 dans, à dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, 95 FM. Et il faut qu'on vous explique un petit peu les coulisses de l'émission. Ah bah oui, oui. C'est que là, Harry vient de nous sortir un truc. J'en mais peux plus. Vrai, mais c'est vrai. Mais c'est tellement ouais, vrai. C'est, ouais, tellement vrai. C'est que la chanson, donc Purple Rain, dure 8 minutes. 8 minutes. Pas cette version-là. Ouais, 8 minutes 40. Un peu plus court déjà, mais même la plupart. Et Harry est en train de nous dire. Ça a du bon et du mauvais. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand t'invites une fille à danser un slow là-dessus, il faut que tu sois sûr que ce soit la bonne. Quoi. Bah ouais, c'est quoi de le dire, hein, parce que je te dis, tu tombes sur une tire full du goulot, t'es là, tu te dis, j'en ai pour 8 minutes à me boucher le nez. À te dire. Ah bah là, tu sors de boîte, t'as pas bu, tu sors dans le ballon, t'es positif. Mais c'est vrai, ou la petite anecdote, le morceau il démarre, tu vas vers la femme et tout, tu l'invites et vous danser, oui, oh, puis tu fais connaissance, tu fais très vite connaissance, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Intel. Ça va, Bébel? Ouais, tac, tac, boum, boum, c'est quoi ton prénom, machin, enfin bref. Et puis, t'es venu accompagner? Oui, je suis venu avec mon mari. Et merde, t'es là, et tu danses pendant 8 minutes avec une femme mariée qui, bon, bah t'as aucun moyen, quoi, voilà. Et il y en a plein d'autres comme ça, des anecdotes. Mais par contre, ça a du positif. Oui. Ça te donne un peu plus de temps pour conclure. C'est vrai. Bah, voilà. Un speed dating, c'est 7 minutes. C'est vrai. Là, t'as l'air bien au courant, toi, dis donc. Bah, j'ai déjà entendu des émissions qui en parlaient. Donc, ouais, t'as rencontré ta femme par speed dating, toi? Non, pas du tout, non. C'est vrai? Non, non. C'est vrai? J'ai rencontré ma femme chez des amis. D'accord. Ouais, tout simplement. Ok. Et t'as dansé sur Purple Rain? Non, non plus, non. D'accord. Non, okay. Il avait conclu avant, c'est pas la peine. Ouais, bonjour, comment tu t'appelles? Bah, je m'appelle machin. Bon, bah, de toute façon, on a que ça à foutre. Ok, bon, on y va. Voilà. On va faire les travaux appliqués tout de suite. Il a conclu sur les trois premières notes de Purple Rain, tu sais. À peu près, ouais. Bon, ben. Bah, au moins, lui, il a conclu, quoi. Oui, ben, bah, c'est vrai. Bon, ça va, toi. Hein. Bon, tu te tais. Tu te tais. Parce que ce sera bientôt à toi de parler d'ici quelques minutes. Le temps de rappeler quand même qu'il y a un événement qui nous tient à cœur, et qui tient aussi à cœur à Sherlock, évidemment. Il s'agit de notre... Oui, bah oui, de l'apéro-repas, forcément. Donc, l'apéro-repas donc, qui va se dérouler le dimanche 2 avril 2017, dès 11h. Donc, ce sera à la salle bleue du Centre Expo de Moucron. Mm-hmm. Donc, c'est rue de Menin, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la salle n'est pas bleue, mais bon. Non, mais on appelle ça la salle bleue. Bah ouais, c'est et pourquoi? Hein? Et pourquoi? Pourquoi on l'appelle la salle bleue? Mm-hmm. J'en sais rien, moi, je sais pas. Je sais pas, il y a peut-être pas de chauffage et tout le monde a froid, tout le monde ressort bleu de là, je sais pas. Ouais, ouais. Je sais pas. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas du tout. Non, non, non. Mais c'est la salle bleue, ouais. Alors, il faut faire attention, c'est que le repas est uniquement sur réservation. Donc, vous pouvez appeler ici à la radio aux heures d'ouverture, forcément au 056 34 07 83. Ou si vous appelez de la France. Aux heures d'ouverture, on est ouvert 24h sur 24. Ben oui. je me disais quand est-ce qu'il y en a qui va reprendre. Ouais, pendant les coupures musicales. C'est ça, ouais. Pendant Hector, surtout. Vous appelez pendant Hector, réservation, elle va être prise, ça va être terrible. Alors, donc, ou. Si vous appelez depuis la France au 0032 56 34 07 83, bah oui, ouais. Non, c'est parce que je regardais, parce qu'il y a aussi un numéro de mobile de GSM, ouais. Donc c'est le 0477 30 14 30, ou depuis la France forcément le 0032 477 30 14 30. Et tu peux nous rappeler le menu, évidemment. Alors, le menu, donc il y a forcément un apéritif, vu que c'est l'apéro repas. C'est vrai. Et forcément, il y a un repas, donc c'est un cochon à la broche. Il y a du gigot d'agneau pour ceux qui ne mangent pas de cochon. Ouais. Donc des pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes. Ça y est, elle est partie. Qu'est-ce qui t'arrive au dessin? Des pommes de terre? Des pornes, Yannick. Non, mais non, pas des pornes. N'importe quoi. Des pornes stars. Quand tu manges, ça te met l'eau à la bouche, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y a des cochons, hein. C'est pas la partouze repas, hein, c'est l'apéritif repas. Mais les cochons à la moche, c'est quoi? Oh là là. Non, sinon, il y a du kilo cartofole. Mais n'importe quoi. Donc, des pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, du pain, de la sauce, en veux-tu, en voilà. Ça m'a toujours fait rire. Il y a des verres, ouais, des assiettes, des chaises. À découvert. Et alors, profitez-en également pour passer. C'est alors un prix défiant toute concurrence. Je crois que ça doit être 17 euros, je crois, pour les adultes. C'est 17 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Mm-hmm. Et donc, profitez-en pour venir ce jour-là, parce que vous allez voir notamment les animateurs. Ouais. Donc, c'est l'occasion de mettre un visage sur les noms que. Enfin, sur les voix que Absolument. Vous entendez à la radio. Et pas confondre avec les cochons non plus, parce que ici. C'est vrai, ouais. Oui. Tu fais ça bien, hein. Merci. On voit qu'on est en plein dans le salon de l'agriculture. Ouais, ouais. Ah, ah, ouais. Toi, tu y es passé déjà, t'as bu un peu. Ouais, ouais, ouais, donc, ouais, oui, non, mais tu as raison. Et, donc, les animateurs seront là, une bonne partie seront là. Il y aura, des animations, il y aura une tombola également qui, oui. Qui sera faite. Donc, absolument. Voilà, passez nous voir, ça nous fera. Plaisir. Voilà, très plaisir. Et il y aura Onissa qui nous fera du twerk. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai entendu. Le twerk. Ouais, le twerk. Tu balances tes fesses et tu fais. Ah, mais ça, je le fais tout le temps. Il n'y a pas que là. Ok, donc à noter évidemment, donc, c'est le 2 avril c'est ça. Donc, 2017. Faites vite pour réserver. Je sais qu'il reste encore quelques places, mais on compte sur vous parce qu'effectivement, rappelons-le qu'on est une radio donc, non commerciale, une association avant tout. Et puis pour émettre comme on le fait aussi bien aujourd'hui, ben, on organise des événements comme l'apéritif repas, comme bien d'autres aussi qui vont arriver. Voilà. Bon, on va continuer en musique. Oui. Avant de retrouver oui. Onissa. Eh ben, on va faire une roulette song. Allez, fais une roulette song. Vas-y. Pourquoi t'appelles ça une roulette song maintenant? Ah, parce qu'il fait défiler. Bah parce que je fais défiler. Parce que l'ABC song, c'était trop long en fait. Quand tu disais un chiffre et tout ça. Ouais, c'est à cause de toi. Ouais, quand, bon. Quand on disait A12, je faisais A. Alors A1, A2, A3. Ouais, alors quand même, je vais un peu plus vite. Si, compte dedans, deux maintenant, ça va. C'est quand c'est les chiffres impairs où j'ai un peu plus de mal par contre. Bon, alors vas-y. Vas-y, fais ta roulette song. Ah bah stop! Paul Young avec Every Time You Go Away. Ah, ça suit bien. Et ça suit bien avec. Et on dit ça, vas-y, dis. Stop! Modern Talking a fait avec You Can Win If You Want. Ouh là là. Ouh là là. C'est la version maxi. Tu peux nous la refaire, attention. Ouais. Ah bah super. You Can Win If You Want. Ok. Voilà. Alors j'ai juste un carnet noir là à faire, j'ai oublié, mais Bill Paxton nous a quittés quand même. Oui, exact. J'ai vu ça. Voilà. Bill Paxton qui jouait dans Alien. Voilà. Le film Alien. Mm. Bon, forcément, Onissa, elle me regarde avec des yeux. Ah, Titanic, des surtout. Yeux de ouais, j'ai vu Titanic que je connais. Titanic. Ah, oui, t'as déjà vu, bah, il a joué dedans. Moi, mm-hmm. J'ai pas vu Titanic, je connais Titanic. T'as jamais vu Titanic? La Titanic, non, c'est pas pareil. Oh là là. Voilà, non, mais donc Bill Paxton nous a quittés. Il a fait bien d'autres films, hein, Twister aussi également. Oui, Twister, tu l'as vu? Avec des tornades. J'ai failli faire, mais non. J'ai dit tais-toi, ne le dis pas. Voilà, elle s'est dit tais-toi, ne le dis pas, il y a bien un autre con qui va le sortir. Il faut rappeler une chose, c'est que dans notre émission, on a des quotas. Hein, voilà. Mm-hmm. Donc on a un quota junior et on a un quota senior. Je vous laisse deviner dans quel quota est Onissa. Junior. Voilà. Hein? Junior, moi je connais Candy Albator, mais pas les films. Ouais, alors la meuf elle dit je connais Candy Albator. C'est les trucs. Alors Albator, la première version est sortie en 78. Quand même. Ben, j'avais 8 ans. Voilà. Mais toi c'est catégorie junior cougar en fait, non? Ah ouais. Bon, ouais, un peu tout loche. Allez, on y va en musique et puis on se retrouve juste après évidemment avec notre croque-niqueuse préférée. La croque-niqueuse. Et j'ai pas vu les gars, je vous assure que j'ai pas vu. Mais on va taper la croque-niqueuse. La croque-niqueuse, notre oui. Croque-niqueuse Onissa. Allez, qui nous parlera d'un sujet gras. D'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Allez, c'est parti. Can't you see we've got everything?

Modern Talking. Yes. Ouais, un moderne, ouais, ouais. Ah, c'est vrai que le tempo. Ah, ça a pris un coup de vieux hein, quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était sympa, mais. À notre époque, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en sais, t'étais junior, toi. Et ben, je dansais quand même. Mais on connaît quand même un peu mieux Brother Louis ou You're My Heart, You're My Soul. Ouais, oui. C'est un peu plus rythmique. Mais ça fait sur le même tempo, hein, quasiment. Ouais, c'est vrai, la même chose. Hein. C'est le même truc, quoi. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Mais bon, bah, ça fait du bien de réentendre de temps en temps des facets. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Bah, tu nous en avais fait hein, il y a quelques temps des facets. Ouais, ben bah, moi je le ferai. Tiens, pour cette fois, tiens une chronique sur les facets, pourquoi pas. Ah bah, voilà. Voilà. Tous des titres qu'on connaît pas. Orchestré par Tony Brahms, c'est son orchestre. Le truc bien pourri, ben bah, c'est. Bah, en parlant de trucs bien pourris. Oh, enfoiré. J'y crois pas. Il est, oui, bah, il est passé. Bonjour, l'introduction, hein. Il est passé 20h30. Il est passé 20h30. Ben. Bah, le chauffage ne fonctionne pas. Non, il caille. Hein. Ouais, donc c'est pour ça que c'est un peu pourri. Hein. Donc, heureusement qu'il y a de la chaleur, il y a de la chaleur humaine. Il y a Onissa qui est avec nous. Hello. Pour nous faire un. Bah, c'est une chronique, hein, carrément. Puisque c'est devenu donc maintenant une vraie croque-niqueuse. Une croque-niqueuse. Hein. C'est notre croque-niqueuse à nous. Alors, elle va nous parler quand même d'un sujet dont on parle d'actualité. En bah, oui, ouais. C'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Oui, oui, mardi. Bon, enfin. Ben quoi, je sais pas moi. Sherlock, il a dit tantôt, écoute. Ah ben je savais pas. Moi. Ah mais ok, pardon. Oh mais tu sais, c'est un partenaire particulier, donc. Oui, mais très oh attachant. Oh là là. Et en plus, c'est le début de soirée, donc. Oh là là, là, là. Et nous avons Harry très en forme ce soir. Ouais, ouais, ouais, ouais, je sais pas. Oui. Bah, Canon n'est pas là, donc. Et oui. Et Flip 4, on l'entend pas, donc. Non pas. Mais bah, je vous écoute, mais ça va venir, t'inquiète. Hein. Ouais, ouais, bah, ouais. C'est bien que moi, je sais pas faire l'émission. Ouais, mais lui, il part toujours en vrille, alors attention. C'est un diesel. Hey, va te plaindre, toi, va te plaindre. Alors, Onissa, effectivement, tu vas nous parler donc d'un sujet d'actualité. Tu vas nous parler de. Du Mardi Gras. Le Mardi Gras, tiens donc. Qu'est-ce que c'est que le Mardi Gras? Alors, le Mardi Gras, c'est une fête chrétienne, n'est-ce pas? C'est une célébration religieuse. Donc, c'est un peu. Ah, c'est religieux à la base? Ah bah, oui, enfin. Ah, bah, j'en sais rien, moi, je sais pas. Si, c'est 47 jours avant. Là, c'est 47 jours avant Pâques. Donc, les 7 jours qui se terminent. Parce que demain, c'est carême. Donc, il faut en profiter. C'est pour ça qu'on va manger des crêpes aujourd'hui. C'est le mercredi des cendres, oui. Et demain, ça commence le carême, les 40 jours. Ouais, mais ça tombe toujours un mardi. Si c'est 47 jours, ça tombe pas forcément un mardi. Non, ça, les 47 jours, le mardi gras, ça clôture, en fait, les 7 jours de ripaille et de fiesta. Ouais. Parce qu'en fait, après, on rentre dans 40 jours de carême. Donc, d'accord. À l'origine, le Mardi Gras, ouais. la semaine du Mardi Gras, les gens, c'est comme ça que c'est venu avec le carnaval d'ailleurs, les gens en fait se défoulaient, c'est le défouloir pendant 7 jours. Mmh. D'ailleurs, je ne sais pas si ces 7 jours-là, ils avaient un nom particulier. Ça, j'ai appris, c'est les 7 jours charnels. Ah bah oui, c'était une orgie, c'est ça, je m'en doutais, je n'osais pas le dire, mais ça avait du sens. Mais en fait, parce que, si, non mais pendant les 7 jours, en fait, les gens mangent, profitent de tout, mais à la puissance 10, puisqu'après 40 jours, on fait pendant 40 jours, il faut faire abstinence. C'est ceinture, donc c'est un défouloir. Ouais. C'est comme ça qu'on a fait le carnaval d'ailleurs, parce qu'on parle des jours charnels, c'est pas que des excès de nourriture ou de boisson, c'est aussi les excès charnels. Donc c'est le principe du carnaval. Tout le monde est masqué, déguisé, donc on n'a plus de personnalité, on ne se connaît plus. Et ça permet, ça ouvre les portes à toute... Oui, masqué comme dans les portes. Et pourquoi gras alors? Gras parce qu'on mange parce que t'arrêtes pas de bouffer. En fait, une fois qu'on arrive au Mardi Gras, c'est le dernier jour, on arrive le mercredi des cendres, donc bien sûr le lendemain. Mm-hmm. Et là, on entame la période de carême, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, normalement, on ne plus d'excès, donc c'est abstinence. Aussi bien... Abstinence sexuelle, bien sûr. Ah bon? Plus d'alcool, plus de gras, plus de sucre. Et... Plus de sel. Bah, ouais. Le sel, ça c'est... Régime sans sel. Enfin, ça dépendait pour qui, mais bon. Ouais. Bah, ça dépend surtout ceux qui font du vélo ou pas. Bah, voilà, c'est ça. C'est... Bon, les garçons, c'est ma chronique, d'accord. Excusez-moi, ah, on t'écoute. Ouais. Les trucs sexuels, c'est après 22h. Bon, d'accord, bah, c'est toi, excuse-moi, tu nous parles d'abstinence. Alors bah, non, mais c'est les 7 jours charnels. Moi, je savais pas, je dis c'est excellent, quoi. Je dis c'est quand même par rapport. Merde, si j'avais su. Et en fait, le carré. Ça fait 3 ans alors. Mon carré, il y a passé. Onissa, elle fait la décennie gras. Décennie grasse. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Et alors, les gens, pendant 7 jours, c'est le défouloir. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu tous les carnavals et où tout le monde se retrouve et tout le monde fait la fiesta. Parce que les carnavals, ça dure plus que 7 jours. Hein. Dunkerque, ça dure un mois mais ou deux. Bien sûr, obligatoirement, on a. allez, maintenant, ce qu'on a gardé de ça, je veux dire encore les anciens, parce que dans la jeune génération, ça n'existe plus, on garde le principe du vendredi, on mange du poisson. D'accord. Tu vois, ils ont gardé, c'est une des seules choses qu'ils ont gardées. Ok. Et c'est quoi le rapport avec le carnaval ? Non, le carnaval, normalement, c'est la période, le carnaval commence avant. Normalement, ça se termine, à l'origine, ça se terminait pour le mercredi décembre, on rentrait en période de carême. Bien sûr, le genre humain garde que le meilleur. Donc, on a Alicante, vous voyez le carnaval de Nice, tout commence avant. Oui. Ou après. Hein, par exemple, le carnaval de Waterloo, c'est le 2 avril. Oui, mais c'est ça. C'est parce que tu vois que au fur et à mesure du temps, les gens ont aménagé à leur sauce et tout ça. Mais à l'origine, normalement, on fait le carnaval comme le carnaval de Nice. Tous les débuts du carnaval, normalement, ça commence avant le début du carême et ça se termine au Mardi Gras. D'accord. Et on apprend tous les jours. Et pourquoi des crêpes, alors, dis-moi? Ouais. Non, mais ça, c'est des crêpes parce que les gens, c'est plutôt avec la chandeleur. Mais normalement, c'est pas une question de tu dois manger des crêpes ou des choses comme ça. Tu manges ce que tu veux. Ah, d'accord. Mais on est d'accord qu'on a tendance à faire des crêpes. Oui, mais quand tu arrives dans la période de carême, c'est abstinence, donc plus d'excès, dont le sucre fait partie. Donc à l'époque, on n'avait pas en abondance comme on a maintenant. Donc tu mangeais tout ce qui te faisait plaisir et tout ce qui était dessert et sucré et des choses comme ça. Mais une fois que tu rentres dans le carême, parce que ça représente normalement les 40 jours que Jésus a traversé le désert, donc tu fais la même purification entre guillemets. Jésus a traversé le désert. Ouais. Pendant 40 jours, oui, voilà, ça représente ça. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ et la caravane passe. Ouais. Non, mais sérieux, quoi. Et sérieux, je sais pas du tout. Alors, moi, quand Charlotte m'a donné l'idée, je dis, c'est vrai, le Mardi Gras, tu dis, tout le monde connaît le Mardi Gras, mais tu connais. Mais en fait, j'ai découvert plein de choses, c'est super génial, quoi. C'est super génial. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse quand même pour le carnaval, ici, avec les Gilles de Binche. Ils ont quand même été ils sont rentrés dans le patrimoine de. Culturel pour la Belgique, là. Ouais, ça va. Donc. C'est intéressant, j'ai appris aussi pourquoi les Gilles, ils ont des plumes sur leur chapeau. Et pourquoi ? Ça date de 1800, quand il y a une princesse qui est arrivée. En fait, elle avait une représentation d'une tribu papouasie ou quelque chose comme ça. Et les Africains avaient justement des plumes. Donc, en hommage et pour garder la tradition de ça, ils ont les plumes sur le chapeau des Gilles. Et on a plein de choses comme ça pour le carnaval. Mais dis donc, on en apprend des choses. Et ils ont et eux, c'est particulier, par exemple, à Binche. Les Gilles de Binche ne sortent qu'à Binche. Oui. Donc les autres Gilles, ils n'ont rien à voir. Mais par contre, c'est les costumes de Binche. Oui, ça oui. Ouais. Et d'ailleurs, je vais prendre moi les Gilles de Moucron parce que je les ai côtoyés, et ceux de Dottigny. Ils vont chercher leurs costumes à Binche. Paniers viennent de là. On jette maintenant des oranges, mais dans le temps, on jetait pas des oranges. On jetait des cailloux. On jetait des légumes. Ah ouais. À l'origine, on jetait les légumes, les paysans et tout ça, ils jetaient des légumes. Ah ouais. Donc t'as après, une patate, excuse-moi, mais. C'est vrai que les oranges, ça vient pas de France, hein. À la base, je crois. Mais que c'est même pas une question ça vienne de France. On a dévié sur les oranges parce que en fait, ils ont hésité entre les poires, les pommes et les oranges et les bananes. Et les Scooby-Doo. On a pris les oranges. Pourquoi, à votre avis, on a pris les oranges? Parce que ça explose quand tu les lances. Mais non, réfléchis pourquoi ils ont pris plutôt des oranges que des pommes. Par rapport au costume. Ben non. C'est la même couleur que le costume de. Non. C'est que l'orange a une pelure, donc c'est protégé quand même. Lance une pomme ou je sais pas, moi elle va être éclatée la pomme. Ou alors il y a des coups dedans. Un avocat. Une pomme d'amour. Tu sais que le bâton. Lance une noix de coco. Tu as une pastèque, le pauvre. Mais dans le temps, c'était des légumes, les fermiers, tout ça. Oui, bien sûr. Tout le monde n'avait pas des oranges. Là, avant, ils balançaient des haricots verts, tu vois. Des lentilles. Dans notre jeune temps, je sais pas moi, quand dans les familles les plus pauvres, à Saint-Nicolas, tu recevais pas des jouets, des trucs PlayStation. Une orange. Une PlayStation orange, dans le coin de la tronche, du tout. Et madame, elle est junior, attention. Je le répète. Et c'est vrai que le père Fouettard, c'était un morceau de charbon. Le père Fouettard qui est. Qu'est-ce que c'est? Tu racontes. Quoi? Et le père Fouettard, il donnait quoi? Un morceau de charbon. Il t'en faisait quoi? Si t'étais pas sage, t'avais un morceau de charbon. Ouais, voilà. Ah bon? Ouais. Bah, c'est normal. Hein. Ah bon ? Ouais, c'est normal. Ouais. C'est normal. Voilà. Ouais, non, bah, c'est ouais. Ça, c'est parce qu'après, bien sûr, avec allez, l'opulence et c'est là, on a tout transformé. Mais non, non, à ouais. La base, quand même, c'est. D'accord. Et donc, normalement, à partir de demain, nous rentrons en carême pour 40 jours. Abstinence et. Mais okay. Bon, on n'a pas gardé tout ça. Non, juste non. À part, je vous dis, le système de manger du poisson le vendredi pour se donner bonne conscience. Et voilà. Ouais. D'accord, ok. Si, c'était. Allez, franchement. Et alors, le carnaval de Binche, pour en revenir à mon carnaval de Binche quand même, eux, c'est la trouille des nouilles que ça s'appelle. La quoi ? La trouille des nouilles. Et c'est quoi ? Et en fait, ils ne. Allez, c'est pas le carnaval comme à Nice, ils ont des super beaux costumes. Ah, ils sont beaux quand même, ouais, si. Ils sont sympas quand même, les costumes des oui, films. Mais non, mais à l'origine, normalement, ils doivent avoir des costumes de trouilles, de choses comme ça. Hum mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il nous a rendu hommage ce soir. Oui, voilà. Et ça fait un petit rappel à notre futur appel. Ah, parce que leur costume n'était pas comme ça, alors, avant. Si, si, le costume est de base, comme ça. Ouais. Et alors, ils ont, normalement, sur le haut du costume, les gilles, ce qui représente les écussons de chaque province, dans le temps, parce qu'ils n'ont pas... ouais. Maintenant, il y a plus de provinces, mais ils n'ont pas amélioré ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et les petites floches, et ainsi de suite, quoi. Et donc, vas-y, tu parlais et de nouilles, là. Je voulais juste un petit truc. Je l'ai appris par un ami qui fait les gilets à Waterloo. J'étais étonné du poids de la coiffe. Ah, mais c'est énorme. Vous avez idée, c'est énorme, ouais. Et alors, ah ouais, 12 kilos. C'est sacré, ah, étonné, attention. Ouais. Ouais. 12 kilos. Ouais. Ils ont gardé, eux, les gilets, ils ont quand même gardé... Bon, alors, t'as la coiffe avec les plumes qui vient de l'origine de base africaine. Avec les papous. Mm-hmm. Et ils ont les sabots, parce qu'à l'origine, les gens, ils n'avaient pas de chaussures. Donc, ah oui, c'est vrai. Ils ont encore les sabots, leur collerette, enfin, tout le... La paille aussi. Ah oui, mais c'est particulier, parce qu'il faut voir le bourrage d'un gilet, c'était... Je n'ai rien dit. Retour au salon de l'agriculture. Alors, comment on bourre les giles ? C'est très simple. Eh ben déjà, chaque gile a au moins deux partenaires pour les aider. Ah bah oui, il faut le tenir un pour chaque jambe. C'est tout un... Mais non, mais sérieux, les garçons, quoi. Non, mais reviens quand même sur... parce que la trouille des nouilles, là, c'est quoi ? Ah, mais ça, on en parlera plus tard. On va pas parler de tout. Ah, donc tu vas nous faire un sujet sur les giles de Binche. Oui, on va parler de quelques carnavals pendant allez, la semaine prochaine pour rester encore un peu dans... Mais il y a des trucs super intéressants. Aux États-Unis, ils ont aussi, à la Nouvelle-Orléans, ils ont aussi leur carnaval. Exactement. C'est sacré, quoi. D'accord. Mais on a amélioré, au fur et à mesure du temps, la tradition. La tradition, on a gardé que le festif, quoi. Pas le... D'accord. Moi, j'aimerais bien aller à New Orleans au carnaval, ça me plairait bien. J'achète quelques colis en solderie. Bon, t'as fini, toi. Tu fais pas tout pas ta chronique, hein, je te promets. Non, mais tu le sais, comment ça marche en Nouvelle-Orléans. Ah bah non, mais carnaval. Ouais, quand tu mets... Alors, moi, j'ai vu ça dans un film... Mais c'est véridique. Un film d'ado, enfin, c'est ouais. Style... Style style American Pie et tout ça. Ah, oui. Où, en fait, là-bas, t'as le carnaval, donc dans les rues de Saint-Louis ou les trucs comme ça. Mm-hmm. Et en fait, t'as des colliers. Quand tu donnes un collier, c'est que t'as envie de coucher avec la personne. Ou elle te montre ses seins, le meilleur des cas. Ouais, aussi. Ah ouais. Oui, bon. Ça, j'ai entendu parler. Oui, voilà, c'est vrai, il ouais. Y a un truc... voilà. Génial. On m'en a parlé, oui. Mais il y a certains codes, hein, quand même, il y a des codes assez... Ça dépend de la valeur du... Alors, regarde la tranche du collier, j'imagine. Ouais. Ouais. Oh non, au moins deux, là, au moins trois. Ouais, pour le peu que t'as Purple Rain, et que... Non, mais franchement, c'est... Allez, c'est intéressant. Les gens, bah oui, le Mardi Gras, les gens, on sait pas, en fait. Bah non. Il y a plein de choses comme ça, c'est vraiment... Tu pourras aussi peut-être nous parler aussi du bœuf gras. Oui, ben j'y serai, d'ailleurs. Oh, d'accord. Ah bon, et tu nous raconteras aussi ce que c'est que le bœuf gras. Ah bon. Bah, c'est sympa, quoi. Non, tu vas pas nous raconter comment ça se passe, tu vas nous raconter pourquoi ça s'appelle le bœuf gras. Bah, écoute, moi, je te dis que déjà, l'ambiance est bonne. Après, je te raconterai, si tu veux, pourquoi le bœuf gras. D'accord. Donc, semaine prochaine, tu nous parles des giles de Binche. Oui, je vais parler du carnaval. Ouais, un peu de carnaval. Là, je vais vous parler la trouille des nouilles, là, comme ça. Eh ben, ça marche. Ça marche. Parce que, bon, oui, c'est pas les costumes. Moi, j'ai appris ça. Je dis, tiens, c'est pas mal, quoi. Eh ben, écoute, on en apprend tous les jours. Ouais, hein. Ouais, voilà. Notre Deco à nous. Voilà. Notre Alain Deco à nous. C'est ça. C'est Onissa qui nous parle un peu de l'histoire et qui nous a parlé oui, du Mardi Gras. Oui, il y a plein de trucs. On va parler un peu de ce qui se passe dans la région. La fête de la main, pourquoi ça s'appelle la fête de la main, blablabla, ainsi de suite. Ah ouais, carrément. Ouais, si, c'est, moi, fête bien, des gnolles aussi, tu peux nous parler. Ça, je connais pas, la gnolle. Ah non, tu connais pas, c'est la fête des gnolles. Ah bah, je sais plus, Armentières, je crois. Oui, je te parle de la Belgique, possible. Moi. Ouais, c'est Armentières. Hein ? Je te parle de la Belgique. Oh, pardon, excuse-moi. La fête de la main, c'est de Tignes. Oh, bah, excuse-moi, tu vas parler du carnaval de Nice. C'est loin de la Belgique, quand même. Les gîtes de Binche. Ouais, bon, bah, ça va, tu nous parleras des fêtes de la main, alors. Et puis aussi de Comines, où on balance des nanas comme toi, des louches. Les mounches. Il y a la fête du Toubac aussi. Ah bah ouais. Avec les mounches et tout. Ah bah tu vas nous. Ah bah ouais, bah tiens, dis donc, ça c'est bien. Voilà. Ça va être une. Et c'est où il y a le lancer de morue aussi, non ? C'est à Dunkerque. Hein. À Dunkerque, je crois. Eh bien, écoute, merci à toi. On va se faire une petite coupure musicale. Ouais. Alors, avec Imagination et Flashback. Ah bien, ah, ouais. Et ensuite, j'ai mis, juste pour toi, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ah, j'adore. Ah, ouais. Je sais. Et c'est années 80, ça, tiens, je suis étonné. Fin 80, alors. Hein. C'est 87. Ok. Eh ben, écoute, allons-y. Allez, c'est parti. Merci, Sherlock. Flashback to the days when the nights were young. Flashback. do we go now? Where do we go? Ça allait déjà vendre de rire avant que je le fasse. Je peux lui couper son micro. Non, non, mais ça va. Remontons vite dans la DeLorean, parce qu'on l'avait quitté la dernière fois. Ouais. Et partons vite vers l'année 1984. Ouais. Bonne année d'ailleurs. Avec un ah non, c'est pas celui-là. Alors, 1984, tiens donc. Oui. Alors, l'année 1984. Ouais, alors rappelle-nous un peu le principe de ta chronique. Alors, donc, le principe de la chronique Ciné Rétro 80, en fait, j'ai regardé un film cette semaine des années 80. Là, notamment, c'est de 1984. Je croyais qu'elle allait donner le titre. Ouais, notamment, c'est tel film. Non, non. Ah, la merde. Et plus précisément, c'est du 5 décembre 1984. Un mercredi. C'est ça. Ouais, bah oui. Et donc, je vais essayer de vous le faire deviner par des petits indices. Alors là, au total, j'en ai 7. Allez, bon, vas-y. 7 petits indices. Vas-y. Il y a Tchoum, il y a Prof. Non, je peux vous dire que le film a fait 3 692 532 entrées au box-office français. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas même, mal. Ouais. Pour 84, ouais. Il a rapporté plus de 148 millions de dollars pour 11 millions investis. Waouh. Bon rapport aussi. Et il a quand même gagné 5 Saturn Awards. Alors rappelle-nous, c'est alors, quoi? Alors les Saturn Awards... C'est des prix anglais, c'est un peu comme les Palmes d'Or à Cannes, les Oscars, les Césars. Les Oscars, là, ils ont fait fort. Ouais. Et donc là, c'est plus sur la science-fiction. Les Saturn Awards. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà. Okay. Donc ça vous donne déjà un petit indice. Ouais. Alors, je vais vous passer le premier extrait, c'est celui-ci. Ça, c'est Darlene Love qui chante et c'est Christmas Baby Please Come Home. D'accord, ok. Donc, j'aime beaucoup. Est-ce que, ouais, bah, moi, donc c'est un film qui est en rapport avec Noël alors Ouais, enfin, ça se passe à la période de Noël. D'accord, ok. Voilà, mais sinon, c'est pas forcément un film sur le Père Noël. Oui, oui, oui, d'accord, d'accord, ça se passe à la période de Noël. Ok. Alors, est-ce que ça vous dit quelque non, chose? Non, mais j'aime pour beaucoup. L'instant, rien du j'aime tout. Beaucoup. Alors. Bon, je vais vous donner le tout début du film. Il y a l'un des personnages donc, qui présente un petit peu le film. Ça donne ça. Mes amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pelzer, Rand Pelzer. C'est moi là, au bord du trottoir. Je suis inventeur et j'ai une histoire à vous raconter. Oui, je sais. Qui n'a pas une histoire à raconter? En tout cas, personne n'a une histoire comme celle-là. Non. Personne. Tout a commencé à Chinatown. Ah. Je faisais les boutiques pour essayer de placer une de mes inventions et peut-être trouver évidemment. Un cadeau pour mon fils. Je tentais ma chance dans celle-ci. Évidemment. Alors, t'as déjà trouvé. Ah, moi j'ai un indice. Mais oui, mais je me doutais j'ai que un tu l'aurais trouvé. Ouais. Alors l'indice serait qu'il y aurait un troisième épisode qui serait en préparation. Oui. Voilà. Peut-être. Effectivement. Peut-être. Pour 2019, ouais. Normalement. Mais ça, c'est un indice, forcément. Et... Bah ouais, mais ensuite. Je sais que c'est pas radiophonique. Est-ce qu'il y a une ressemblance avec moi? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on va quand même le dire. Clip 4 a une mèche ouais, c'est ça. Blanche. Ouais, ouais, ouais, si, si. Ouais, ouais. Il a une mèche blanche. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec le chocolat? Ah bah c'est bon, je connais alors. Ah bah. Alors. Si c'est du chocolat, bon. Non, non, mais... Et là, t'as Onissa qui dit Freddy Krueger. Non, alors je vais. Je vais vous passer une autre chanson, c'est Michael Sambello qui chante. Ah ouais, d'accord. Oh oui. Et ça s'appelle Mega Madness. Je sais pas que Michael Sambello avait chanté dans ce film. Ça me dit rien non plus. Hein. Et donc c'est Michael Sambello qui chante Mega Madness. D'accord. Enfin, il y a le titre du film avant et Mega Madness. Mmh. Alors, Onyssa, parce que tu es la seule à ne pas avoir trouvé, je pense. Hein. Alors, moi j'ai un autre indice. Moi j'en ai un. Ah, vas-y. Il y a une confrontation, il y a une histoire de bien et de mal. Oui, ouais, exact. Ouais. Il n'y a pas des billets de loterie, là, je sais pas quoi. Non, je ne pense pas. Alors, non. Moi, j'ai un autre indice, le générique, il est agaçant. Oui, mais ça, je le passerai à la fin. Vraiment agaçant, quoi. Je le passerai à la fin. Ouais. Là, j'ai encore un autre petit indice, c'est toujours Rand Pelzer, qui montre une de ses inventions. Monsieur, j'ai remarqué que vous étiez fumeur. Mmh. Je disais que j'ai remarqué que vous étiez fumeur en voyant les cigarettes. Et je constate que vous avez un cendrier cassé. Ah, oui. Eh bien, c'est vraiment une chance que je me sois arrêté chez vous. Je me présente, si vous le permettez. Je m'appelle Rand Pelzer. Je suis inventeur. Des idées fantastiques pour un monde fantastique avec moi. L'illogique devient logique. Et j'ai justement quelque chose qui, je le crois, pourrait vous intéresser. Alors, on dit ça. Désespéré. Ah là là. Bon, alors il y a une question d'éléments qu'on trouve dans la nature. Ouais. Ouais, de plusieurs éléments. Il faut pas jouer d'ailleurs. Hein. Mais principalement. Oula, l'indice ici, tu vas chercher où? Ah ouf. Mais non, sinon je vais le donner. Allez, je peux. Non, allez, d'accord, vas-y. La lumière du jour et l'eau. Ouais. Ouais, entre autres. C'est vrai. Et le chocolat. Ouais, il n'y a pas que le chocolat, la nourriture en... Oui, la nourriture. Je sais pas pourquoi je dis chocolat. Non, ça, ouais, la nourriture. La nourriture en particulier. Enfin, en particulier. Ça te dit rien? Bah non. Bon, je vais te passer un autre indice. Là, tu devrais connaître. Ah oui. Mylène Farmer. Non, écoute bien, écoute bien. Bah, si toujours pas, bah, non. Et alors, il y a peut-être un nom qui revient si ça te dit quelque chose. Mogwai. Bah oui. Bah, non. Alors écoute ça. Il y a le chef dedans. Alors. Et c'est celui qui a une mèche Gizmo, blanche. Gizmo, j'en sais rien. Ah, Gizmo, c'est les Gremlins, ça. Ah, voilà, elle se réveille. Mais c'est ça, ouais, c'est bien ça. Elle se réveille. Et voilà, c'est bien ça. Et donc le. Le thème du film, c'est celui-ci. Ah, quelle horreur. Agaçant. C'est vrai? Bah, j'ai vu que les bandes annonces, c'est pour ça que t'as des vidéos. Bah, tu vois, ça, c'est un gremlin. Ah, si, et dans le 1 et dans le 2, il y a toujours un des gremlins qui fait Gizmo caca. C'est vrai. Et non, parce que je connais la bande annonce, c'est parce que t'as dit Gizmo, je dis, ouais, c'est les gremlins. Mais Gizmo, c'est quoi? C'est le prénom du gremlin? C'est le prénom du Mogwai. Du Mogwai, mais après quand ils sont méchants, ils ont pas de nom spécifique. Ah d'accord, je pensais qu'ils avaient un nom particulier. Après, d'accord. Enfin, ils ont peut-être vraiment un nom, hein, mais on les connaît pas dans le film. Et donc, pour la petite info, j'ai vu le titre en plus de Vepo. Pour la petite info, Flip 4 ressemble à un Gremlins méchant. On est ouais, d'accord. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pas un Mogwai. Au chef des Gremlins. Au chef des Gremlins, c'est vrai. En plus. C'est vrai. Ouais. La mèche, évidemment. Ah, j'ai une copine m'appelait son Gremlins. C'est vrai. Pourquoi quand on t'arrose, tu transformes? Ah, écoute. Alors donc, c'est un film de Joe Dante. Oui. Avec une musique de Jerry Goldsmith. Oh là, c'est pas vrai. Eh, non, si, c'est affreux, Jerry Goldsmith. Hein, ouais. Donc, j'aurais pu donner les noms des artistes, mais ils sont pas très connus. Il y a, allez, limite Phoebe Cates qui est la plus connue. Sinon, il y a Zach Galligan, Hoyt Axton, Francis Lee McCain, Cale Luck. Judge Reinhold, qui lui a joué dans Le Flic de Beverly Hills. Ouais. Donc c'est quand même, je vais dire, l'un des plus connus. Chuck Jones. ouais. qui était le dessinateur pour Bugs Bunny et tout ça. Oula, ah, d'accord. Ouais. Corey Feldman, mm-hmm. on a revu ensuite dans les Goonies. D'accord. Ok. Polly Holiday, Glinterman. Après, j'ai pas tout noté. Hein, alors, mais... Dracula, par contre, lui, il joue dans le deuxième. C'est ça. D'accord. C'est ok. Comment il s'appelle déjà lui Lee. Christopher Lee. Christopher Lee. Christopher Lee. Il joue dans, dans le deuxième épisode, c'est ça hein. ouais, ouais, c'est ça. Alors, donc là, dans le premier épisode, c'est Rand Pelzer donc, qui offre à son fils un étrange animal qui s'appelle un Mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde, il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout, surtout, ne jamais le nourrir après minuit. Et sinon, ouais. Il, sinon il devient des gremlins. Voilà, absolument. Ouais, mais j'ai jamais vu, ouais. C'est vrai que... Alors, donc, durant la production, le script du film est passé par plusieurs changements. La version originale était beaucoup plus sombre, incluant des scènes plus macabres, dont la mort de la mère de Billy... par décapitation. Oh là. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais. Son mmh. chien dévoré par les Gremlins oh. et les Gremlins attaquant un McDonald's pour manger les consommateurs au lieu des burgers. Oui, oui. En même temps, c'est quand même Joe Dante hein, qui a fait ouais, ouais. Des films d'horreur, des films d'épouvante. Donc, c'est ça. Ouais. C'est vrai que bon, on peut comprendre. Alors, la production a finalement supprimé ces scènes, estimant que ça rendait le film trop sombre et préférant s'axer sur l'humour noir plutôt que gore. De même, le chef des Gremlins, le rayé, donc, qui a une mèche, ouais. hein, n'était initialement pas présent dans le script. Gizmo lui-même se transformait pour devenir le Gremlins à la crête blanche. Spielberg modifia le scénario sur ce point, estimant que Gizmo était suffisamment mignon pour attirer la sympathie des spectateurs et qu'il préférerait qu'il reste le long du film. C'est vrai. C'est vrai. Donc comme quoi, parce que ouais, Spielberg a été quand même dans l'écriture du scénario aussi. Hein. D'accord. Alors donc, Gremlins est le dernier franc succès de Joe Dante qui faisait alors partie, comme Robert Zemeckis, des metteurs en scène qui travaillaient pour les productions de Steven Spielberg. Le film contient d'ailleurs des clins d'œil à Spielberg. Le meneur des Gremlins pousse une peluche d'E.T. extraterrestre dans un rayonnage du grand magasin pour observer Billy. Ouais. Ah d'accord, ok. Spielberg lui-même apparaît conduisant une petite voiture au salon des inventeurs. Ah, ouais. Ah bon. Ouais. Ah. Ok. En fait, on le voit, il a une jambe dans le plâtre et il conduit une petite voiturette. En même temps, ouais. Enfin, j'imagine, ouais. Bon, ça prend deux plans. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. De plus, lorsque Billy appelle sa mère pour lui dire de partir de la maison car les gremlins sont éclos, l'un d'entre eux coupe la communication en disant téléphone maison. Ah, pas mal. Voilà. Alors donc les deux titres de films fictifs visibles sur la devanture du cinéma, parce qu'on voit Billy qui passe devant un cinéma, sont A Boy's Life et Watch the Skies. Et en fait, c'était les titres de travail utilisés respectivement pour les films E.T. l'extraterrestre de 82 et Rencontre du troisième type. D'accord, bien. Donc petit clin d'œil quoi. Ouais, ouais. Toujours des petits clins d'œil à Spielberg. Rencontre du troisième type. De quoi? Le titre en anglais de Rencontre du troisième type. Non, c'était le titre de travail, en fait. Ah, de travail, d'accord, ouais, ouais, oui. C'était okay. Le titre de travail, c'était le titre de travail. Quoi. Ouais, le... ouais, je comprends. Parce que souvent, les films, quand ils commencent à être produits, réalisés, on n'a pas forcément tout de suite le titre véridique. Au dernier moment, ils choisissent vraiment un vrai titre. C'est les titres de classement, quoi. Alors, donc, au Salon des Inventeurs, on distingue également le compositeur Jerry Goldsmith dans une cabine téléphonique voisine à celle de Rand, avec un grand chapeau texan. D'accord. Il apparaîtra également dans le second volet, dans la scène du restaurant du building Clamp. D'accord. Et enfin, donc, la chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boiseau, que j'invite à aller voir. Donc, c'est en Loire-Atlantique, hein, en France. Ouais. Ouais, alors... Ouais, je vois pas le rapport avec les Gremlins. Ouais, voilà. Ça. Et ben moi non plus, je voyais pas le rapport, mais ouais. Je t'invite à aller voir par exemple sur Google Maps. Ouais. Tu tapes chapelle de Bethléem, donc tu vas voir Saint-Jean-de-Boiseau, machin. Mm-hmm. Tu vas voir sur Google Maps et tu vas voir en fait qu'il possède toute une série de chimères autour de cette chapelle, mm-hmm. Notamment une chimère représentant un gremlin en tant que symbole mm-hmm. de la méchanceté bête de l'homme. Ah, sympa. Ainsi qu'un représentant Gizmo en tant que bon monstre. Il y a également un alien. Ouais. Dans les vitraux, et y a... comme ça. Non, c'est des gargouilles, non, en fait. Non, c'est des gargouilles, j'allais dire, oui. Et en fait, ils sont placés tout autour de la chapelle. Exact. Donc, elle n'est pas très grande, hein, cette chapelle. Elle doit faire une dizaine de mètres carrés, à tout casser. Mais il y a... Et pourquoi? Alors, en fait, j'ai été voir un petit peu. La chapelle a été en partie détruite durant la guerre. Elle a été reconstruite par un gars, un sculpteur. qui, lui, en fait, s'est basé sur ce qu'il avait comme document en sa possession. Ouais. Donc, il a vu, en fait, les différentes méchancetés de l'homme, donc la méchanceté bête, les choses comme ça. Et par contre, il y en avait où il n'y avait rien du tout. Donc, il s'est dit, moi, je vais rajouter ma patte. Ouais. Ça a laissé aller un peu de fantaisie. Voilà. Et dis-moi si je me trompe, parce qu'effectivement, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a même dans ces figures représentées, il y a un cosmonaute, en fait. J'ai pas vu le cosmonaute. J'ai vu l'alien parce que je recherchais justement. C'est assez anachronique, en fait. Là. Oui, il y a des trucs quand même assez anachroniques. C'est un peu comme le maire de Blois, où dans les gargouilles, il y a sa tête. Ah ouais. Non, c'est vrai en plus, hein. Qui est connu d'ailleurs, hein, qui est assez connu, je sais plus comment il s'appelle. Il s'est amusé aussi, ils ont fait sa tête et c'est sa tête qui est à l'emplacement d'une des gargouilles du château de Blois. Ouais. Alors attends, je vais essayer de te montrer un petit peu les gargouilles. Tu nous montreras hors antenne, parce que c'est pas très radiophonique. C'est vrai. Mais il y a Dark Vador aussi dans les gargouilles. Ah ouais, ça va être sympa. Voilà. Eh ben écoute, merci pour cette rétrospective sur les Gremlins. Ouais. Justement, je pensais à toi. Pourquoi par rapport aux Gremlins ? Pas du tout, absolument pas. Non, je pensais à Indiana Jones. Ah oui. Ouais. Non, mais il y a un truc qui m'a troublé dans Indiana Jones, puisque c'est Spielberg passé. Spielberg aussi, ouais. Ouais, avec Spielberg, hein, c'est pour ça que je fais la passerelle. Mais il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Et vous allez faire, si vous faites l'expérience un jour, vous allez voir. Alors, ils ont eu la bonne idée de passer la dernière croisade en premier et ensuite derrière le temple maudit. Oui. Ouais, bon, ça ne suit pas, de toute façon, donc c'est pas bien grave. Non, mais bon, c'est un peu con quoi, de passer le 3 et ensuite voilà, le 2. Et le 2. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi ils font ça, les chaînes, souvent. Il y a le 4 maintenant. Ouais, il paraît qu'il y a un 4. Ouais, le crâne de cristal. C'est pas mal. Ça revient plus dans l'état d'esprit avec son fils, je pense. J'ai moins. Oui, c'est avec son fils, mais j'ai beaucoup moins aimé. Et ce qui m'a vraiment frappé. C'est qu'en réalité, il n'a pas la même voix dans les deux épisodes. Hein. Et c'est choquant. Il y a donc celui que tu connais, qui a la voix de Stallone, là, comment il s'appelle déjà, Darbois. Ouais. Et ça, c'est dans la dernière croisade. Et dans le Temple maudit, c'est Francis Lax. Oui, et c'est Francis Lax qui le double toujours maintenant. Non, il est un peu mort, hein, Francis Lax, quand même. C'est vrai. Il est mort il y a 20 ans, je crois. Si c'est lui qui le double encore, il va perdre. C'est lui qui l'a doublé, je voulais dire, par la suite. Mais c'est vraiment troublant quand vous regardez les deux à la suite, où tout d'un coup, il n'a pas du tout la même voix. Ouais, voilà. Il n'a pas la même voix. Ah, il va falloir que je me les repasse, que j'ai pas. Ah, moi, tout de suite. Tout de suite, j'ai capté ça. Ça, et la prépondérance de la musique. Dans la dernière croisade, j'ai pu supporter un moment parce qu'il y a trop de musique, vraiment. Ah oui, les cuivres, c'est omniprésent. Omniprésent. Et je serais curieux de savoir le film doit durer pas loin de 2 heures, hein, je pense. Je suis sûr qu'il y a au moins 1h45 de musique pendant tout le film. À ce point, en fond. Oui, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action, mais c'est vrai que ce sont des cuivres. Oui, c'est ça. Et au bout d'un moment, j'ai décroché. Pourtant, quand j'étais jeune, j'aimais bien Indiana Jones. Mais là, regardez-le, tiens, par curiosité, revoyez-le, vous allez voir, vous allez penser à moi. Et au niveau musique, très belle musique, évidemment, c'est du John Williams. Mais bon, il arrive un moment, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Donc voilà. Ok. Eh bien, écoute, on va continuer en musique, puisqu'on va retrouver d'ici quelques minutes notre ami Flipcat qui va nous faire le plaisir de nous parler des Pretenders. Pretenders, avec la jolie Chrissy Hynde. Ah oui. Encore maintenant, hein. Oui. Eh bien, en attendant, je vous propose une petite coupure musicale. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, avec Jive Bunny and the Master Mixers, et That's What I Like. C'est années 80, ça, sérieux? Ouais, c'est 89. C'est affreux. C'est 89. C'est pas mon goût. Je n'aime pas beaucoup. Voilà. Pas et beaucoup. Ensuite, on va revenir avec Evelyn Thomas. Rien à voir avec la présentatrice. Hein, non, c'est vrai. High Energy, c'est ça, ouais. Allez, c'est parti. Take train. You broke my wheel, but what a thrill. Well, Mr. Rain, it's straight balls of fire. Bonjour, c'est Sabine Paturel et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. Fan de cette chanson, mon petit bouchon. Petit bouchon, ça s'appelle ouais. Sabine Paturel. Évidemment qu'il y a aussi d'autres titres maintenant. Donc je me fous de je tout. Je me fous de tout. Ouais. Je me fous de tout. Vous pouvez retrouver sur internet et qui a pas mal d'actualités encore aujourd'hui. Hein, Sabine Paturel, qu'on avait eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps. ouais c'était pour la tournée Top 50. Absolument. Ah, oui. Absolument. Donc très très belle rencontre. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ouais. À la fois super sympa. Très sympa, très mimi et puis très avenante. Et d'ailleurs, on avait eu l'occasion de rencontrer plein d'autres gens qui étaient là dans la tournée. Powo, toi qui es fan de Powo, adoré. Alain Chenevière, Pascal Périse et le troisième dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais moi aussi. voilà. Ils sont tous très sympas. L'un du groupe Négresse Verte. Stéphane. Je crois que c'est Stéphano quelque chose, ou je sais pas quoi, non. Bref. Et puis plein d'autres, il y avait Vivien Savage qui était là aussi, il y avait Caroline Loeb. Oui. Et Marc Touesca, évidemment. Ah ouais, mais c'est tout. Belle rencontre, c'est belle rencontre. Et absolument. Et bien là, c'est aussi une belle rencontre, c'est notre ami Flipkat. Ouais. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il est 21h30 pile poil. J'en venais pas. Et ben voilà, ça y est, pour une fois, tu auras ta chronique à ta bonne heure. Et ben c'est parti, à toi de jouer, mon ami. On y va ? Allez, on passe. Non, on va pas passer le. Allez, c'est parti. Alors, je pense que ça va te faire plaisir, puisque comme je l'avais dit, tu l'avais manqué, j'ai pensé à toi, donc j'ai dit, allez, hop, on va ressortir une bonne vieille chronique, puisque je vous parle de ce soir des Pretenders. Alors, les Pretenders, donc, c'est un groupe qui a été fondé en 78, un groupe moitié anglais, moitié américain, qui est originaire de Hereford, ça c'est au Royaume-Uni, et Akron, aux États-Unis, donc, qui était surtout connu dans les années 80. Le groupe est né de la volonté de la chanteuse, bien entendu, qui est auteur, compositeur et guitariste aussi. Elle est américaine, Chrissy Hynde. Alors justement, au niveau de son âge, on en parlait tout à l'heure en antenne. Tu as je serais curieux de savoir. Elle est de septembre 51, donc ça lui fait 64 ans. Quoi. Ah ouais plus que ça, oui. Enfin, donc, elle est encore bien conservée. On l'a vu se produire en live lors d'un concert, un festival avec ZZ Top et Brian Setzer, entre autres. D'accord. Elle assure encore, oui. Alors, elle fonda le groupe avec le bassiste anglais Pete Farndon, qui n'a pas fait une longue carrière, puisqu'elle est décédée, lui, en avril 83. Le guitariste anglais James Honeyman Scott, qui, lui aussi, n'a pas fait une longue carrière au sein du groupe, puisqu'il est décédé en juin 82. Elle joue aussi. Oui, et je veux dire pourquoi pas, mais bon, mon avis, vous en doutez. Ouais. Et aussi le batteur anglais Martin Chambers. Alors, le groupe a été plusieurs fois restructuré, bien entendu, évidemment, après la mort des deux que je viens de nommer, Honeyman, Scott et Farndon, dû à des problèmes de drogue. Ah, tiens. Et en fait, seuls Christian et Martin Chambers restent jusque dans les années 2010, le groupe d'origine, en fait, au niveau de la composition, c'est ce qui n'est pas difficile. Alors, évidemment, en 78, le groupe va se faire connaître avec un premier single. Je ne peux pas dire franchement que qu'il est cartonné, mais bon, ça s'appelait, c'est une reprise des Kings. Hein. C'est sorti en 78 et ça s'appelait Stop Your Sobbing. Donc c'est leur premier single, et c'est quand même avec ce titre que le groupe décrochera donc son premier hit. 80, les Pretenders sortent leur premier album homonyme, donc ça s'appelait tout simplement Pretenders. Il atteint directement la tête des charts du Royaume-Uni, ainsi que leur chanson. Alors là, tu vas t'en souvenir, Breath in the Pocket. Ah ouais, j'adore. Got this in pocket, got paddle. I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion. Restored emotion. I've been diving. Voilà, donc deuxième titre, deuxième hit pour le groupe, qui va se classer donc en tête des classements des 45 tours en Angleterre, 17 semaines de suite, 14e aux États-Unis et les fera connaître dans le monde entier. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah ouais. Alors en 81, le groupe sort avec le même bonheur son second album, intitulé tout simplement The Pretenders 2. Très cherché, pas foulé. Ouais. Non, cool, effectivement, je vous l'accorde, avec des chansons comme Message of Love. The reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody's. Et qui sera suivi évidemment d'un autre hit et qui va vous parler avec I Go to Sleep. Je crois même que je préfère celui-là à Breath in the Pocket. Ouais, ah ouais, franchement. Ouais. Bon, ouais. Bon, évidemment, c'était 4 singles et en fait, ils ont, on va dire, ils ont enquillé quoi. Les 4 singles qui sont sortis du premier et du deuxième album ont été des succès, des hits mondiaux en fait. Alors évidemment, la vie interne du groupe devient très difficile à cause de la consommation de drogue au sein du groupe, évidemment. Pete Fordon cause des tensions énormes avec les autres membres à la fin de l'année 81 à cause de son addiction à la cocaïne. Il était vraiment franchement devenu infernal et insupportable. Alors Chris Hines raconte qu'il devenait impossible de travailler avec lui, son état physique devenait trop catastrophique. Le 12 juin 82, alors que le groupe a terminé sa tournée mondiale deux mois auparavant, Chrissy, Martin et James se retrouvent à Londres pour décider de se séparer de Pete Fordon, donc, avec qui ils ne peuvent plus travailler. Ils avertissent l'intéressé. L'ironie du destin fera que Jameson et Scott mourra pendant son sommeil deux jours plus tard, le 14 juin 82. Ouais. Pas cool. Son cœur n'aura pas supporté plus longtemps son accoutumance à la cocaïne, évidemment. Et moins d'une année plus tard, ça c'est vraiment l'ironie du sort, Pete Fordon lui-même donc, décède à son tour. Et lui, par contre, on l'a retrouvé noyé dans sa baignoire, évidemment, victime d'une overdose. Et ça, c'était en avril 83. Ouais, bah, alors, il y a Christian Hind aussi, alors j'imagine qu'elle doit toucher, non ? Enfin, ou elle a touché. Toujours est-il qu'elle est toujours debout, quoi, en fait. Ouais. Alors évidemment, sans trop perdre de temps, puisqu'on est en 83, on parle d'une reformation, mais avec les deux groupes, les deux membres fondateurs, puisque s'agissait de Christian Hind elle-même et puis de Chambers, pardon, je cherchais le nom. Hein, et donc, se sont mis en quête de chercher d'autres musicos, surtout au niveau bassiste, guitariste. Alors, ils ont été en fait rejoints par pour l'album suivant, qui était fait en 83, Back on the Chain Gang, avec le bassiste, je vais y arriver, bon sang, le bassiste de Big Country et le guitariste de Rockpile. Et le groupe donc les a intégrés et encore en complément deux autres musicos, Malcolm Foster et le guitariste McIntosh. 84, il y a encore un autre album qui est sorti, Learning to Crawl. Alors là, avec des singles et deux titres encore qui, pour moi, ne sont pas méconnus. Je peux pas dire que ça a été franchement des hits, mais ça marquait franchement la reformation du groupe avec le titre suivant, Middle of the Road. Middle of the road, trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. Et donc ce titre sera suivi d'un autre single, Thin Line Between Love and Hate. Yeah. Et qui sera effectivement le premier. J'aurais pas dit mieux en fait. Ouais. Justement, ouais. En antenne, et ouais. Là aussi, une fois de plus, je vous l'accorde, ça tranche avec le style du groupe. On s'attend pas à avoir des titres. Bon, on est parti sur un slow carrément par rapport, oui. À ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, voilà. Hein, bon, malgré tout, ce titre, alors étonnamment, a quand même marqué le premier opus de la reformation du groupe. Moi perso, je dirais que c'est pas le plus connu, peut-être celui encore même le précédent et encore. Alors, 85, Christian enregistre avec UB40 une reprise de Sonny and Cher avec le titre « I Got You, Babe ». Ouais, ça, c'est... Ouais. Non mais comme on le disait là aussi encore une fois hors antenne, bon c'est vrai que c'est pas la même époque, hein, je ne sais plus de quand date celle de Sonny and Cher. Bon c'est... Oula, les années 70, hein, ouais. Ouais, pas plus en tout cas. Mmh. Fin 60, et, début 70. Hein. Bah, ouais. Moi j'aurais dit plutôt fin 60 exactement, ouais, puisque Cher était encore, oui c'était vraiment au début le duo Sonny and Cher, donc ça doit être plutôt fin 60s on va dire. Et donc, oui, effectivement, c'est une version qui était bien propre à la chanteuse et qui a rencontré, bah, évidemment, un franc succès, un énorme succès. Alors là, on est en 85. On avait également un autre titre en 86. Et celui-là était très connu aussi. C'était Don't Get Me Wrong. Bah oui. Ah, excuse-nous, Philippe. Mais je vous en prie. J'ai lancé un challenge à notre croque-niqueuse, oui. Onissa, et je lui ai dit vas-y, lèche la bonnette. Et ah, j'ai refusé pas. La proposition. Bon, la bonnette, c'est celle du micro. Oui, mais je n'imaginais pas autre chose. Ouais, c'est pour les auditeurs. Pour les auditeurs, oui, bien ils sûr. Comprennent pas. Voilà. Ah oui. De travers. C'était plus évident pour nous. Alors, on arrive à 88. On parlait tout à l'heure d'une collaboration avec l'enregistrement du titre avec UB40. En 88, elle avait donc participé également à un autre enregistrement avec UB40, une reprise de Dusty Springfield, Breakfast in Bed. Mais j'ai ah ouais, la version. Tiens. Oui. Ah ouais, Dusty Springfield. Ouais, je vais voir si c'est. Alors, si on va voir parce que je suis pas certain. Je suis pas certain, ouais. On va essayer. Ah, c'est peut-être bien ça quand même. Voilà. Your face is a mess. Donc là, on était en 88, avec notre collaboration donc avec UB40 et cette reprise de Dusty Springfield. Alors, 90, les Pretenders ont sorti un album qui s'appelait Pacte. Alors là, c'était déjà un petit peu un virage, dans le sens où ils ont regroupé pas mal d'autres nouveaux musiciens que ceux qu'ils avaient trouvés précédemment, avec le bassiste Andy Hobson et le guitariste Adam Seymour. La chanteuse rappelle aussi, que, pour la circonstance, Martin Chambers, pardon, et qui elle a toujours collaboré pour jouer dans le groupe. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Elle tourne toujours. Mais bon, au niveau de l'actualité de sa discographie, il n'y a rien de transcendant, puisque bon, elle a formé également, elle a fait des sessions acoustiques en 95. Ouais, ça devait être sympa. Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'écouter, ça s'appelait I Still Love You. Ouais. Et 99, ils sont revenus avec un album qui s'appelait Viva la mort. 2000, une compilation avec Greatest Hits, hein, avec des versions évidemment, vous vous en doutez, remasterisées. Mais oui, et 2002, ben donc, on parlait de la reformation avec conjointement la sortie d'un nouvel album qui s'appelait Loose Crew. En 2005, ça s'appelait comment ? Loose Crew. Loose Crew. Loose Crew. 2005, ouais. D'accord. Ouais, donc voilà. Alors en 2005, ils ont été honorés par le Rock'n'Roll Hall of Fame. Et donc à aujourd'hui, ben, oui, les Pretenders continuent à se produire, mais beaucoup plus sur scène maintenant. Et dernière nouvelle, il n'y a pas eu d'enregistrement, de mise en boîte de nouvel album. Voilà. Eh ben écoute, je suis étonné quand même parce que je n'ai pas entendu parler de I'll Stand By You. C'est vrai. Comment ça se fait? Ouais, quand même, c'est un titre. Moi, je ne l'ai pas dans mes titres. Ah, bah, ouais, tiens. Ouais, moi aussi, je me suis dit, tiens, on va entendre quand même I'll Stand By You, quand même. Ouais, j'aurais pu, c'est vrai. Eh ben écoute, c'est pas grave, en tout cas c'est une très belle chronique, Oui. Tu vois vraiment la progression. Je regrette pas que tu l'aies refaite, puisque bon, bah, comme j'étais pas là cette fois-là, ben, je regrette pas, parce que ça me rappelle des souvenirs, et ça me rappelle aussi qu'il y a des titres dont j'avais oublié que c'était les Pretenders qui les avaient interprétés. Oui, c'est vrai. Hein. Vraiment très bien, vraiment très sympa. En parlant bah, justement de musique, parlons-en aussi, parce que si vous aimez pousser la chansonnette, sachez qu'il y a actuellement donc, un concours qui est organisé, donc un concours karaoké au Singing Studio donc à Lille, c'est juste à côté du Casino Barrière, hein, vous pouvez pas le louper. Alors pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est un championnat quand même qui a son importance, puisque la finale aura lieu donc à Prague au mois de juillet. Absolument. Voilà, donc en plus, c'est notre ami Canon qui fait la présentation et le jury, entre autres, puisqu'il va y avoir des professionnels dans le jury aussi également. Enfin, je ne dis pas que Canon n'est pas un professionnel, hein, bien évidemment. Alors, si vous souhaitez participer au concours, il est encore temps. Vous allez sur la page Facebook et vous tapez Singing Studio et vous verrez, hein, il parle du concours. Il y a certaines obligations, évidemment, il faut être français. Oui, c'est voilà, c'est français. Ça. Ne pas être pro. Hein, ouais. Ou en tout cas pas trop de dates de pro, voilà, et puis évidemment savoir chanter, parce qu'il vaut mieux si vous ne savez pas chanter. Ah ouais, ça va être un peu compliqué, donc c'est voilà, c'est un concours sérieux, quoi. C'est un concours qui est assez sérieux. Ça se passe dans un bel écrin. C'est vrai qu'on l'a testé, le Singing Studio est un bel endroit où vous avez de quoi vous éclater si vous aimez pousser la chansonnette. Donc le concours est en train de se passer, il va démarrer jeudi. Il y a pas, alors les castings vont démarrer donc jeudi. Il y a plusieurs sessions, donc si vous avez l'âme chanteur ou chanteuse, l'âme chanteuse, ou si vous savez chanter quoi. D'accord. Non, je parle pas de la chanteuse. Ouais, parce que l'âme chanteuse. Non, d'accord. Non, c'est parce que j'étais en train de dire, on dit une âme. Ouais, une âme. Ouais, ouais. Donc, une âme chanteuse, voilà. Mais c'est mieux une âme que l'âme. Voilà, l'âme chanteuse, et bien surtout, n'hésitez pas. Donc. N'hésitez pas donc à participer au concours, hein, qui est organisé par le Singing Studio. On vous en reparlera, Canon aussi vous en reparlera. Donc sur Facebook, vous avez toutes les informations, bien évidemment. Eh bien, on va se faire une petite coupure musicale. Ouais. Alors avec Aerosmith et Run DMC. Ah ouais. Walk This Way. Ouais. Qui à l'origine, normalement, Run DMC n'était pas dedans. Hein. Non, non, ouais. Non. Alors, ouais. C'est années 80, j'ai un doute. Si, c'est 84. Ah ouais, quand même. Donc ouais. Ah oui, il l'avait déjà interprété avant. Ouais. Alors okay. Il l'avait interprété dans les années 70, ouais. Sur l'album, je ne sais plus lequel, je l'ai chez moi. Mm-hmm. Et là, en fait, leur carrière était tombée un petit peu dans l'oubli. Dans l'oubli, ouais. Parce qu'ils ont fait des cures de désintoxication. Ah bah tiens, ouais. Donc Steven Tyler, Joe Perry, qui était addict aussi à la cocaïne. Ouais. Ils ont fait tous les deux des cures pour sortir de ça. Et donc, pour se relancer, ils se sont dit, tiens, on va ressortir un titre qui a bien fonctionné. Mm-hmm. Mais en plus, on va prendre un groupe qui fonctionne bien aussi. Et c'était Run DMC, ils ont remixé tout ça. Hein. Ça rend pas trop mal. Ouais, ça donne vraiment sympa. Même le clip, si t'as déjà vu le clip, c'est assez sympa. Non, ça me dit rien, non. Bon, en fait, c'est Aerosmith qui est en train de répéter. Ouais. Et à chaque fois qu'ils essayent de commencer à chanter, il y a Run DMC qui commence à faire des scratchs dessus. Quoi, donc, d'accord, ouais. Et puis, il y a Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith qui pète un mur et qui commence à chanter. Quoi. C'est ça. Alors moi, il y a un truc que j'adore chez Steven Tyler. Ouais. C'est sa fille. Ah oui, Tyler. Alors, Liv Tyler. Et d'ailleurs, on se demande si c'est vraiment le père. Hein, parce que... Si. Je me doute, mais bon, quand on voit la tête de Steven, waouh. Ouais. Bon, après, il l'a fait avec un mannequin aussi. Hein, donc, oui, d'accord. Ouais, ah, pas avec une vraie femme. Non, c'était un mannequin de magasin. C'est bizarre, ces groupes de rock, ils font des drôles de trucs quand même. C'est la coca, ça, c'est pas bon. D'ailleurs, Flipkat, tu pourrais nous faire une chronique là-dessus. Hein, ah, et Aerosmith. Ah ouais, tu nous avais fait avec les Guns N' Roses, que j'aimerais bien... Aussi, Guns N' Roses. Si tu veux, je vais te la refaire avec plaisir. Ça, vous l'avez déjà demandé plusieurs fois, les garçons. Ouais. De quoi, donc Aerosis, là, je sais pas quoi. D'accord, ok. Aerosis. Aerosmith, ouais. Non, l'autre, qu'ils ont dit après. Ouais, Joséphine, Ange Gardien. Guns and Roses. Guns and Roses, yes. Je l'ai déjà fait. Oui. Et bah, tu la referas, s'il te plaît, oui. Merci. Je no problemo, avec plaisir. No problemo. Alors, si tu veux des chansons, j'en ai. Ok, je me doute. Et donc, je sais à qui, oui. Donc, ce sera donc effectivement le premier titre, et ensuite Et ensuite, on va revenir avec aussi un titre assez rock, c'est AC/DC. Ah. Avec You Shook Me All Night Long. Ça, j'avais déjà fait. Ouais, tu m'as secoué toute la nuit. Et alors là, alors, du coup, ça va être la version forcément de Brian Johnson. Puisque je pense que de c'est quel titre You Shook Me All Night Long. Je pense que c'est Brian Johnson puisque c'est le premier album avec Brian Johnson. Ouais, je crois. On va reconnaître sa voix de toute façon. Ouais. Hein. Ouais, on va reconnaître. Savoir si c'est Bon Scott ou Brian Johnson. Moi, je dis que c'est Brian Johnson. Allez, les paris sont ouverts. Allez, on y va. That's always under cover and John of Imagination. Écoutez 80 à l'heure. RQC 95 FM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. Eh oui, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, 95 FM, avec toujours la troupe de 80 à l'heure, forcément avec Harry. Oui. Avec Onissa. Hello. Oui, notre croque-niqueuse. Ouais, notre croque-niqueuse. Ah ouais. J'aime bien ce petit... Ah non, c'est gardé en garde maintenant. Ah ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et avec Flipcat. Hello. Notre chroniqueur. Non, oh, c'est ça. Ah, notre chroniqueur. Et notre Sherlock adoré quand même. Sherlock, même, faut bien pas sûr. L'oublier. Eh ben alors justement, comme vous me passez la parole, je la garde. C'est parti. Je fais pas aussi bien que Canon. Mais... J'ai rien compris comment il faisait ça en fait. Je crois qu'il imitait Chewbacca. Ouais, après, ah c'est la, ça. Après, ah, parce que ça ressemble à un éléphant. Il fait ça. Hein. Ouais, jamais compris pourquoi. Bah c'est son délire. Hein, qu'est-ce ah ouais ouais, non, bah, d'accord. Ok. Le bug que tu viens de faire. Pardon. Oui, on t'expliquera. Ouais. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'était involontaire. Alors tu vas nous donner envie d'aller au Cinoche évidemment. Bien sûr, de nous plonger dans les salles noires, dans les salles obscures. Ah, okay. J'espère en depuis tout cas. Le temps qu'on doit y aller. Alors avec un premier film, donc Alain, le chanteur qui est venu la semaine dernière, nous en avait parlé. C'est le film Chez nous avec Émilie Dequesne, André Dussolier, Guillaume Gouy. C'est un film de Lucas Bellevaux. C'est sorti en France donc le 22 février et donc ça sort en Belgique cette semaine. Donc c'est Pauline qui est infirmière à domicile entre Lens et Lille, qui s'occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Elle est dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Et donc profitant de sa popularité, les dirigeants d'un parti extrémiste vont lui proposer d'être leur candidate aux prochaines municipales. Bon, la ville dans laquelle elle habite, c'est une ville fictive. Mais tout le monde aura compris que c'est il parle des nains Beaumont. Hein. D'accord. Bah oui, voilà. Évidemment, c'est un petit clin d'œil à Marine, j'imagine. C'est ça, clairement. Si, voilà. Et Émilie Dequesne qui est belge. Oui, à l'origine, puisqu'il y a quand même une chanson célèbre de Stella qui est Je veux partir en week-end avec Émilie Dequesne. Ah bon? Ah d'accord. Ouais, je la connaissais pas. Tu connais pas? Ah bah si quand même. Alors, il paraît que c'est une belle femme d'ailleurs, mais je l'ai pas vue. Émilie Dequesne. Oui, ouais. Si, elle est mignonne. Ah, si, c'est une très jolie femme. Ah, j'ai pas dit, ouais, je sais pas, ouais. Ouais, non, mais il a dit qu'il l'avait pas vue. J'ai pas vu. J'ai pas dit non, c'est pas, elle est pas belle. Je t'ai dit, j'ai pas vu. Tu dis mais si. Bah, non, je l'ai pas vue. Émilie Dequesne, mais si quand même. Mais non, j'ai jamais vu. J'adore le dialogue de sourd. Ouais, ça va. Le monsieur te dit qu'il n'a jamais vu Émilie Dequesne. J'adore. Bah, tu dois être le seul, hein, attends. Ah bah, non, j'ai jamais vu, honnêtement. Tu l'as vu, toi, Flipcat? Voilà, donc ils sont deux déjà. Attends, c'est moi qui regarde jamais un film, s'il te plaît, je la connais. Ah bah, peut-être, je sais pas, c'est ta voisine, j'en sais rien, mais. Non, moi, j'ai jamais vu Émilie Dequesne, non. Mais j'ai déjà entendu parler, ouais. Et oui. Allô. Et ben c'est comme ça. Et voilà. Alors donc. On va revenir à Sherlock. Donc demain sort en Belgique et en France le film T2. Ah. Trainspotting 2. C'est ça. Je croyais qu'il y en a un qui m'aurait dit Terminator 2, mais non. Ah bah non. Trainspotting 2, donc avec Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewan Bremer. Et c'est toujours un film de Danny Boyle. Ouais. Donc c'est toujours les mêmes acteurs. Hein. 20 ans se sont écoulés depuis le premier film. Et donc beaucoup de choses ont changé et beaucoup sont restées les mêmes également. Mark Renton est de retour dans le seul endroit qu'il peut appeler sa maison. La boss Pud, Sick Boy et Begbie l'attendent de pied ferme. Ouais, bah ouais, j'ai vu le teaser. Écoute, je suis circonspect. Je suis circonspect. T'es dans l'expectative. Je suis dans l'expectative. Non, je m'attendais à voir quelque chose qui me rappelle Trainspotting, la première version. Ouais. Enfin, le premier épisode. Et voilà, non. T'as été frustré. Ah, ouais. On le ressent quand tu parles. Bah ouais, mais par contre, je vais aller le voir. Ah ouais, quand j'irai le voir parce qu'effectivement, le 1 m'a tellement marqué. Un Flipcat. Tout à fait. Ouais. Il m'a tellement marqué le A que voilà. Non, j'avais franchement déjà. Non, alors parle encore problème. Plus loin du micro, ouais, Flip 4. Ouais. Oui. Tu peux aller au bar hein, si tu veux. Ou tu nous appelles au 056 34 07 83. On passera en ligne. Non, je disais même moi le déjà le 1 m'avait pas. Ah c'est vrai. Non. Ah moi il m'avait marqué. Mais alors terrible. Alors moi je l'ai pas vu. Ah tu l'as pas vu. J'ai pas vu le 1. Moi non plus. Donc, je trouve que. Qu'est-ce que tu trouves marquant? Bah ce qui est marquant alors ce qui est marquant dans ce film c'est que alors je crois que de mémoire c'est il est avant Petit meurtre entre amis si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez vu Petit meurtre entre amis? Non. De Danny Boyle. Non. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après. Enfin bref, et j'ai découvert Petit meurtre entre amis de Danny Boyle que j'ai adoré. Et là, je vous invite à aller le voir, qui est un film avec une intrigue et tout ça. Enfin, c'est plutôt sympa, c'est bien fait. Toujours avec Ewan McGregor d'ailleurs. Ouais. Et on m'a dit, bah, regarde Trainspotting. Et si tu l'as vu, Flip 4, Trainspotting, t'as l'impression d'être dans la quatrième dimension. C'est un film. Ouais, c'est on sort de là, on a l'impression qu'on s'est shooté, quoi. Ouais, on est complètement fait, shooté. Oui. Il y a des scènes qui sont filmées bizarrement. Je me rappelle encore cette scène où il est sur le plafond avec un bébé qui crie. Enfin, voilà. C'est le délire c'est total, ce qui quoi. Fait que. Ouais, ça m'a gavé, j'ai pas su accrocher, j'ai décroché du film. C'est vrai. Ah ouais, tiens, c'est curieux, mais vraiment. Mais je peux pas dire qu'il m'a marqué, mais parce que c'est vrai que maintenant, au travers de cette scène-là, que tu me racontes. Ouais. J'ai trouvé ça glauque. Oh, j'ai trouvé ça glauque. Ou il perd son suppositoire dans les toilettes, c'est excellent. Enfin, je veux dire. Non, mais lui, il a toujours des trucs autrement qu'assis, quoi. Avec son Non. Il nous sort. Non. Improbable, quoi. Non, Trainspotting, oui. Concrètement, il y a un début du film où on voit Ewan McGregor qui explique en fait que sa vie, elle n'est pas ce qu'il voudrait. Enfin, il voudrait faire plein d'autres choses que ce qu'il fait. Et on comprend pas vraiment ce qui se passe. Et on le retrouve avec tout un ensemble d'amis proches qui sont tous camés, drogués, voleurs, arnaqueurs, machin. Et ils veulent s'en sortir quand même, quoi. Ils veulent s'en sortir. Et le film est assez. Il est troublant. Il est troublant. Ça m'a fait penser à Orange Mécanique. Ah oui, dans mais voilà. Exactement. Au niveau de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est complètement déjanté, quoi. Mais qu'est-ce que. Ah ouais, c'est au perché. J'ai regardé trois fois pour le comprendre. Oui. Parce que vraiment, sincèrement, je crois que j'ai toujours pas compris d'ailleurs, mais il faut le voir. Non, c'est un vrai martien ce film. Faut le voir. Mais voilà, je te l'accorde. Voilà. Et justement, pas cinéma avec toi quand même, tout compte fait. C'est très glauque. Je crois que c'est comme le premier, je crois que tu sors du cinéma, tu danses pas à la queue de deux, je crois pas. Non. Non, t'es pas festif. Tu peux avoir le cerveau un peu retourné, je te dirais. Ouais, c'est ça. Oh non, c'est pas. Si. Non, mais moi j'ai trouvé. Et c'est pour ça que moi j'ai pas accroché en fait. Il m'a pas marqué. Ouais. J'ai pas été choqué. Mais j'ai trouvé ça complètement. Pourtant, Roche Mécanique, j'ai bien aimé. Ouais. C'est pas la même époque non plus. Non. Mais j'ai décroché du film parce que ça me crochait pas justement. Moi j'ai essayé de le comprendre, c'est pour ça que j'ai accroché. Il y a un moment donné, je voulais savoir comprendre le dénouement, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce qu'ils font. Parce qu'en fait, Trainspotting, c'est qu'ils attendent le passage du train. Mm-hmm. Il l'explique dans le film, mais je n'ai pas compris encore. Mais bon. C'est pour ça que le deuxième, je. Ah si, moi j'irai le voir, c'est obligatoirement. Ils attendent peut-être le passage du train qui va les tirer de là. C'est peut-être une image. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Et d'ailleurs, regarde, quand tu expliques l'histoire du 2, est-ce que tu l'as compris? En n'ayant pas vu le premier, je me dis ça va être encore plus compliqué, je crois. Non, mais c'est. Alors, est-ce que justement est-ce qu'il est nécessaire de voir le premier pour comprendre le deuxième? Je sais pas. Bah, si, puisqu'il revient 20 ans après. C'est une suite. Ouais, c'est une suite. Il revient 20 ans après dans les endroits qui côtoyaient à l'époque, les pubs et tout team. Ils refont à peu près le même bordel que ce qu'ils faisaient quand ils étaient. Donc, il faudrait peut-être, si je me décide à aller voir, que je regarde à nouveau bien correctement le premier là. Et bah je sais pas, c'est une bonne question. Tu nous tiendras au courant si toi tu vas le voir. Je vais voir le 2, c'est sûr. La bonne question est de savoir si est-ce qu'on a besoin d'aller voir le 1 pour aller voir le 2. J'ai bien l'impression que c'est une suite quand même. À voir. Bon, ok. Alors, bon, on va passer au suivant. Quand même. Bah non, mais je peux pas me prononcer là-dessus parce que je sais que c'est un film que beaucoup de monde va aller voir à mon avis, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu Trainspotting. Bien sûr. Et donc ils vont être curieux de voir le suivant. Voilà, comme maintenant, à savoir si c'est une suite directe ou il faut forcément avoir vu le premier pour y aller. Là, je sais pas du tout, puisque moi je les ai pas vus. Moi, je pense que oui. parce qu'en ayant vu le teaser, il y a des scènes qui sont où on voit par exemple Ewan McGregor qui reproduit exactement la même chose que dans le 1. Dans cette fameuse pièce où il y a un moment tout simplement il est en cure de désintox et on l'enferme dans une pièce où il se tape des délires pas possibles, c'est cette fameuse scène où effectivement il y a un bébé qui traîne au plafond et qui souffre le martyr parce qu'il est en train de faire une désintoxication, c'est ses parents qui l'obligent, il est enfermé, enfin Et dans le deuxième, on le retrouve dans cette pièce. Donc, si vous n'avez pas vu le premier, je ne sais pas si vous allez comprendre pourquoi il se retrouve dans cette pièce. D'accord, quoi. Ok. À voir hein, maintenant, je ne sais pas. D'accord. Donc, ensuite, sort demain en Belgique et en France le film Patient. Donc, c'est avec Pablo Poli, Yannick Régnier et Soufiane Guérab. Ah, avec le petit corps valide. Voilà, c'est donc un film de grand corps malade. Ouais. Petit corps valide, non. Et donc, se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Donc, ses nouveaux amis sont tétra, para, trauma crânien. Bref, toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont apprendre la patience, ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire, mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Donc, Patient est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique, fait de victoires et de défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres. On ne guérit pas seul, donc c'est l'histoire de grand corps malade. Oui, voilà, c'est ça, après son accident. C'est tiré de... Pas avant, forcément. Si c'est l'histoire avant son accident, ça me fera très intéressant. On comprend mieux, encore malade après. C'est bourré d'humour, en fait, parce que il a toujours pris... Tu crois que c'est un grand comédien? Ah non, mais lui, il joue pas dedans. Si. Ah si, non. Ah bah bien sûr que si, il joue dedans. C'est pas lui qui fait le rôle principal. Hein. Ah, il joue dedans, en tout cas. Ah oui, enfin, il fait peut-être un caméo, mais après... Ah, j'en sais rien, mais s'il joue dedans, j'imagine... Salut, comment ça va, toi? Ouais... Salut, je voudrais poser un slam. Et là, je voudrais te dire que, effectivement, machin. Alors, si, je joue dedans. Par contre, je sais pas s'il joue son propre rôle. Je pense pas parce que là, il s'appelle Ben dedans, alors que lui, c'est pas Ben, je crois, son vrai nom. Je sais pas. Grand Corps Malade. Mais c'est pas Grand Corps Malade non plus. Non, bah non. Bonjour, tu t'appelles comment? Grand Corps. Grand Corps. Ok, et toi? Malade. Malade. Ok. Alors, moi, je vais finir avec le film Logan. Donc, c'est Wolverine 3. Ah, c'est ça! Ça, d'accord. C'est déjà mieux. Je me demandais ce que c'était, ouais. D'accord. C'est Wolverine 3, mais c'est le titre, c'est Logan. Et pourquoi Logan? C'est son prénom. Wolverine. D'accord. C'est son vrai prénom, il s'appelle Logan. Ah, je savais pas. Ah, tu le sais, toi, Anissa? Oh, bah, lol, attends, moi, je suis nul en cinématographie. Lol, comment elle parle, MDR. Eh ben moi j'ai des jeunes à la maison. PTDR. Ouais, c'est ça. Bah non mais lol, franchement, allez. Ah non, je savais pas qu'il s'appelait Logan, tu le savais, Flipette? Bah absolument pas, non. Bah moi je le savais. Bah moi j'ai vu sur le bus, je crois que c'était une pub pour Logan, je te promets. Mais je te jure, écrit en grand Logan, je dis bah je sais pas, c'est une pub pour la voiture. Non, c'est donc pour un des X-Men. D'accord. Il s'appelle Logan, ouais. D'accord, et c'est toujours le même acteur. Ouais, alors c'est la dernière fois qu'il va jouer le rôle de Wolverine, apparemment il arrête pour ce rôle et c'est un autre acteur qui va le remplacer, on sait pas encore qui exactement. Alors pourquoi on l'appelle Wolverine d'ailleurs? Parce que c'est Serval, mais je comprends pas moi, faut que tu m'expliques. Alors Wolverine c'est le nom anglais, Serval c'est le nom qu'ils lui ont donné en français. Ah, le d'accord. Serval c'est un chat, enfin c'est un félin en fait, ouais. Et c'est par rapport à ses griffes. Mais on l'appelle Serval dans la version française. Moi, je me rappelle d'avoir lu des BD, il s'appelait Serval. Oui. Quand j'ai vu Wolverine. Alors, c'était les Amazing Uncanny X-Men ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Quand c'est sorti dans les années 80-90 en France, dans les comics, il l'appelait Serval. Effectivement, dans les films, il l'appelle Wolverine parce que c'est son nom de base. Quand tu regardes Storm, par exemple, Tornade, ils l'ont traduit aussi en français. Normalement, elle s'appelle Storm. Je sais pas qui c'est, mais. Celle qui a des cheveux blancs, Aurora. Valérie Storm. Aurora Monroe. Non, non. Mais non, pas Valérie Storm. Si tu nous écoutes au passage. Ouais, bonsoir Valérie. On salue. Non, non, mais le truc, c'est qu'il y a Aurora Monroe, donc, qui est une black avec des cheveux blancs, qui peut créer des ouragans. Enfin, oui, ça te parle. Voilà, ouais. des éclairs, des choses comme ça. Ouais, son nom d'origine, dans le comics, c'est Storm. Ouais. En français, ils l'ont francisé par Tornade. D'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, dans les années 80-90. Ils francisaient les noms Il y a The Beast, la période, c'est la bête. Gambit, ils l'ont laissé comme ça, Gambit. Heureusement. Il y avait pas de traduction. Alors, Gambit, c'est par rapport à Gambler, je crois. Ouais. Gambler, c'est les parieurs ou quelque chose comme ça au niveau des casinos. Gambling, c'est les parieurs. Ouais. Donc, Gambit, en fait, lui, il a un pouvoir de télékinésie et il balance des cartes à jouer. Oh, mon Dieu, mais c'est quoi ces films? Voilà. Et Thor? Il reste Thor. Thor, ouais, bah oui, c'est un dieu, donc. D'accord, ok. Ça reste comme ça. Parce que le Thor tue. Voilà, et donc, j'en reviens à Logan, donc qui est toujours avec Hugh Jackman, Peter Stewart, qui a joué notamment. L'handicapé dans X-Men. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est le professeur Xavier. D'accord. Et professeur qui joue dans Patient. Non. Non. Il joue pas dans Patient, non. Et donc, et avec Elisabeth Rodriguez également, c'est un film de James Mangold, donc ça sort en France, en Belgique. Finaise. Mangold. Mangold. Ah, pardon. Enfin, Mangold. Oh là là. C'est il joue pas, aussi dans Patient. Ça y est, avec Mangold et Tibit, je suis refait. Moi. Ok, Mangold. Alors, donc, ça se passe dans un futur proche. Donc, un certain Logan, épuisé de fatigue, s'occupe d'un professeur X souffrant dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Alors bon, maintenant il faudrait qu'il fasse gaffe parce qu'il y a un mur apparemment qui va se construire hein, là-bas. Ah oui. Ouais. Mais bon. Mais les tentatives de Logan. Non, mais c'est un futur proche, c'est demain. Tandis que. Ah ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et donc les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s'épuiser lorsqu'une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. Ouais, il a l'air chouette. Les échos sont bons. Ah ouais. Ouais, bah en gros, les derniers films de super-héros sont assez bien faits, ouais. Ils sont chouettes. Moi, j'accroche pas, y a rien à faire. C'est vrai? Ah non, moi j'aime bien, moi, tu vois, c'est par contre. Oh, si ouais, ouais, choix, non, je sais pas, j'accroche pas. J'ai vu il y a pas longtemps le fils de, je sais plus comment, de Poséidon, là, c'est quoi déjà Aquaman? Bah non, il est pas encore sorti. Aquaman. Je te jure. Le fils de Poséidon, là. Je te jure que. Avec l'éclair, là, je sais pas quoi, là. Ah ouais, ça pète, c'est non. Hein? Mais oui. Diarrhée? Non, c'est pas possible. Ah, Percy Jackson. Bah, c'est le fils de Poséidon, non? Oui, ouais, d'accord. Ah, voilà, Percy Jackson. Ouais, mais alors, ça fait pas du tout partie des X-Men. Ouais, on est un peu dans le même genre, quoi. Ouais, c'est plus un roman du style Harry Potter et tout ça. Ouais. Ils sont plus dans cette même genre. Ouais, c'est pas la même chose, hein. On dit, c'est deux univers différents. Bon. Ouais, peut-être alors. Ouais, non. Non, mais on parle quand même aussi de super-héros. Non, je sais pas. Ouais, c'est un peu plus mythologique. Ouais, mais, c'est vrai. C'est okay. Plus dans la Poséidon. Mais là, si je te dis super-héros au sens X-Men et tout ça, ouais. C'est plus Batman, Superman, même si c'est les DC Comics. Ouais. C'est les deux grandes maisons de comics américains, DC Comics et Marvel. Les Marvel, qui s'affrontent tous les toujours. Marvel, hein, D'accord. Spider-Man, par exemple, c'est un Marvel, c'est un super-héros. Un Disney maintenant. Ouais, parce que ça a été racheté. Ouais, bien sûr. Ben oui, à l'origine, justement, avec Marvel et justement tout, ouais. avant de poser la question pour savoir quel film vous iriez voir, quel est le super-héros qui vous a le plus marqué, toi, Onissa, par exemple? Le super-héros qui a marqué ta jeunesse? Oh non, moi j'avais pas de super-héros. Pas John Steed, non? Non. Je connais en plus. Oui, c'est chapeau melon et bottes de cuir. J'aimais bien, moi. Non, moi. C'était quoi? On roule ta bille. Et qui incarné par. On roule ta bille. Il est incarné par. Eh ben, McNee. Patrick McNee. Ouais, c'est vrai. Si, je suis quand même. Je me rappelle. Et il y a eu deux Peur Day. C'est vrai. Hier. Absolument. McPeele et il y a eu la blonde, c'est oui qui tourne en. Il n'y a pas eu deux Peur Day. Il y a eu une Peur Day et une Emma Peel. Emma Peel et oui. Emma Peel et la deuxième, la blonde, je sais. Emma Face. Oh non. Tu l'aurais faite. Et toi, Flipkat, quel est le super héros qui a marqué ta jeunesse? Hormis des comics, quoi, en fait. Ouais, parce que ça peut être un autre super héros. Ça peut être Joséphine Ange Gardien, on a pas quoi. Mais. Non, c'était pas vrai, il y avait pas. Bonne question, tu vois. J'en sais rien. Tu vois. Pourtant, j'ai regardé pas mal de séries à l'époque. Et... Ouais. Vigor, non pas Vigor, Vidoc. Vidoc, t'as connu Vidoc toi? Non. Bon, pas personnellement, si, mais il y en a un que j'aimais assez bien. J'ai vu tout. Il y en a eu, je crois, 7. Ouais. C'est Freddy Krueger. Oui, super héros aussi. Il y en a eu 7. Bah, en quelque sorte. Ouf. Ah, c'est un super personnage, c'est un super vilain. Ah oui, j'ai posé la question. J'ai posé la question. Parce qu'en dehors des Superman, des Batman, des musulmans. Non. c'est ça. Des pétomanes et des machins. Non, il n'y en a pas qui m'ont. Il n'y avait pas Lavoine aussi. Ah oui, lui, il est parti avec les maçons. Je vois pas le rapport. Tu m'aurais dit Goldman, j'aime bien, mais pas. Bah si, hein. Il a chanté quand même la Ziza et tout le bazar. Donc, genre, ah bah Michel Sardou alors. Ah ouais. Michel Sardou, musulmane. D'accord, oh là là, on va loin là. Ah bah non, bah, faut là, suivre on va loin. Quoi, attends. Ah ouais, ouais, on va loin. On va loin. Je suis carrément. Blonde, mais quand même, à l'origine, ouais. Je suis brune. Hein. Et toi, Sherlock? Moi, je pense Spider-Man. D'accord. Et toi? Le magicien, ouais. Le magicien. Ouais, Mandrake. Non, le magicien, c'était un nain. Magicien. Ah oui, David Rapaport. Rapaport, exactement. Et David Rapaport. Il m'a toujours marqué. Ouais. Ah ouais. Oui, d'accord, ouais. Ah oui, heureusement ouais. Que t'as pesé un an. Eh ben alors, mais il y avait encore un truc plus vieux. Il y a eu beaucoup moins d'épisodes. C'était Hé, hey, Monsieur Merlin. Je sais pas si t'as connu ça. Non. Mais moi, après, je regardais. Je suis l'âge du dinosaure, moi, dis donc. Allô, quoi. Non, mais arrête. Toi, pour changer la chaîne, il fallait que tu te lèves. Pas nous. Nous, la télécommande, ça existait déjà. Ah bah non, moi, changer voilà. La chaîne. Ah ouais, bah tu te levais. Bah ouais, ça faisait de l'exercice, mon ami. Et, ouais. Et t'avais que deux boutons à appuyer. Un, deux. Et toi, t'as connu la mire. Ouais. T'as connu la mire, toi, en plus. L'ORTF. Non, c'était l'Eurovision, ça, non? Non, je pense qu'il y avait le même. Non, mais je suis d'accord avec ORTF. Ah ouais. Ah ouais, ouais, si, si. Ouais, t'as connu Jean-Pierre Descombes. Ah ouais, les jeux de 20h. Jean-Pierre Descombes, ouais. Ah bah, les jeux de 20h. Avec Maître Capello. Je mets un franc dans le Nourin. Ouais. Capello Vici. Ah si, Maître Capello. Ouais, on est pas loin des années 80 quand même, malgré tout. Bah, c'était les années 80. Calembour. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'apprenais quand même beaucoup de choses, quoi. C'est vrai. Encore aujourd'hui, hein. Ouais. C'est parce que les émissions on les regarde plus, mais si tu veux regarder Question pour un champion, tu apprends quand même certaines choses. Ouais, bon, tu regardes qui veut prendre sa place, t'apprends quand même des choses. Les 12 coups de midi. Ah, les 12 coups de midi, t'apprends quand même pas mal de trucs aussi. Quoi. Bah ouais. C'est clair. Voilà. Bon, mais voilà, c'était juste la question. Mais maintenant, la question suivante est qu'est-ce que vous iriez voir comme film? Film 4. Très franchement, encore une fois, peut-être le dernier. Là. Le dernier? Ouais, avec les. Logan? Oui, voilà. Logan. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? J'avoue que, bon, j'en ai regardé avec mon gamin, hein, des dernières sorties, ça c'est se regarder. Maintenant, ouais, c'est sympa. J'avouerais que je ne courrais pas. Les jeux de 20h, ça. Ouais. C'est du bidou. Ouais, je pense, ouais. Il était si long que ça, le générique. Ah ouais, bah là ça fait 2 minutes et quelques. Ah, ah Dieu. Ouais, c'était toujours long, ouais, mais bon. Alors, et toi, Anissa, tu irais voir quoi? Logan, moi. Logan aussi, ouais. Ok. Bon, bah, Sherlock, on sait qui. Tu irais voir Logan aussi, j'imagine. Bien sûr. Ok. Et bah, toi, tu vas aller voir ton truc de barré, là? Ah ouais, très petit peu, évidemment. Ouais. Évidemment. Tu as la tête à l'envers, encore une fois. Ah ouais. Et pas dans le derrière. Bon. C'est une petite coupure. Hein, tu nous tiendras au courant quand même pour savoir s'il faut absolument voir le 1 pour essayer de comprendre un oui, peu le 2. Oui, absolument. Parce que absolument. Déjà, si le 1 t'as pas compris, le 2 tu vas avoir la misère. Mais je pense que c'est pas le but du film non plus. Hein. C'est des messages un peu subliminaux. Enfin, on essaye, chacun interprète un peu le film comme il veut. Tu sors histoire. Du film, tu dis j'ai compris ça, j'ai compris. Il y a plein de films un peu dans ce genre-là qui existent où tu demandes à ton pote qu'est-ce que. Chacun l'interprète à sa façon. C'est vrai, mais je sais pas. Ah, si, j'ai jamais vu. C'est déjà hyper frustrant quand tu as lu les bouquins et que tu vas voir le film parce que déjà les personnages. Il vaut mieux faire l'inverse, hein, je pense. Oui, mais moi j'ai lu les bouquins donc j'ai toujours pas regardé les films. Tu dis, il est où le cul? Il est où le cul? Elle est où la partie cul dans le film? Elle est où la tête? Dans le 2. Dans le 2, mais en fait chacun interprète, oui, tu fais ton imagination de ton personnage. C'est vrai? Oui. Ok, c'est bah très, écoute, enfin moi ça me tente pas plus que ça, hein. Mais bon. C'est parce que t'as pas mais Trainspotting 2, bah, je vous raconterai. J'irai le voir, j'essaierai d'aller le voir assez rapidement. Et puis, il a même pas écouté ce que je lui ai dit. Non. Bah si, mais t'es en train de nous parler d'un film de cul, on s'en fout. Je parle pas de film de cul, c'est un film, comment dirais-je. Bah tu parles de 50 nuées. Non, c'est pas un film de cul, enfin. Ah non? C'est un film de quoi? C'est un film de relation. De ça. Un film de ça. Comme les films sur M6 à 22h30, là. Oh il n'y a pas de cul, mais il y a des seins. Et ben là, il n'y en a pas. C'est pas un seul, j'y crois pas une seconde. Ah bah, mais non, c'est juste. Ah bah, je n'aurais pas donné 8 boules. Ça m'étonnerait. Hein. 8 c'est boules, t'es gentil. Si, si. Si, on les voit. Bon. Mais bon, ah bah si, tu vois. C'est pas un film de cul-cul.

sur RQC 95FM dans l'émission 80 à l'heure qui touche à sa fin bientôt d'ailleurs. Tu vas faire le téléphone rose si ça continue toi. Mais arrêtez, je vais pas parler comme ça. Mais ça je viens de recevoir un courrier de Philippe qui me dit qu'avec sa femme en ce moment c'est... Alors Philippe, petit conseil pour toi Philippe. Occupe-toi de ta femme. Oh bah ouais, bah, tu parles d'un conseil. Hein. Attends. C'est surtout. Ouais. C'est, ah, j'adorerais faire ça. Occupe-toi de ta femme. Ouais. Il faut savoir, je fais ou comme ça, ou alors je fais bonjour, je m'appelle Robert. Sérieux, bah, comment bah, je préfère la deuxième version. Hein. Bah non, moi je préfère la première. Non, non, mais t'as une super belle voix, Onissa, mais t'as une voix qui est suave, tu vois. T'es... Bah alors c'est pour leur dire quand même qu'on arrive en fin d'émission et qu'ils sont toujours avec nous. Comment veux-tu que je lui dise? Bah, je sais pas, t'as une voix suave. Voilà, c'est tout. Merci. T'as oui. l'art de transformer un compliment en un non-compliment. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Sérieux. Moi, je te vois bien. Allô, oui, Gérard Bouchard. Tu as décidé de te faire fouetter par Attila. Ouais, voilà, tu veux te faire fouetter? Tape 1. Oui. Tu veux commander une pizza? Tape 2. Il y a ça en plus. C'est ça, ouais. Et n'oublie pas de mettre ton numéro de carte bleue. Oui, c'est ça. Bon allez, on va arrêter puisque bah, effectivement, bah, il est l'heure de nous quitter. Bah, le temps de tous nous remercier mutuellement. Hein. Voilà. On va tous nous remercier mutuellement. Alors, allez, Sherlock, remercie-moi. Merci Harry. Super. Onissa, remercie Sherlock. Merci Sherlock. Mais je t'en prie. Allez, Flip 4, remercie Onissa. Onissa, je te remercie. Voilà, bah, c'est bien. On se remercie tous. Et Harry, tu peux remercier Flip 4. Et je remercie Flip 4, évidemment. Donc, pour cette belle chronique. Alors, moi, je remercie pour la chronique sur les Pretenders. Effectivement, je remercie aussi Onissa pour ce beau billet d'humeur. Et puis, notre ami Sherlock, eh ben, on le remercie. Alors, aussi. À la fois pour la technique, mais pour les chroniques ciné et rétro ciné 80, ouais, bien évidemment. Si vous avez envie de nous balancer un petit commentaire, justement, sur la première chronique de notre croque-niqueuse sur Facebook, surtout n'hésitez pas, hein, Onissa, ou alors vous tapez sur Google, hein, onissa.be, et puis vous retrouverez donc son site officiel, sur lequel on voit un reportage avec 51 degrés. Enfin bref, vous verrez bien. Non, mais voilà. Il va falloir faire la page Facebook d'Onissa quand même. Bah ouais, c'est clair. Parce que là, je suis en train de retravailler sur l'application Android. Oui. Et puis ben, là, il manque la page d'Onissa. Eh ben écoute, c'est quoi, on va la créer et puis on va l'alimenter nous-mêmes. Oui, ben de toute façon. C'est vrai que, ouais, on va se marrer, comme elle n'a pas de PC pour l'instant, ça va être un peu compliqué. Ouais, puis, j'avoue que franchement, je suis nul, donc vous m'expliquerez. Hein. Ouais, non, t'inquiète, mais bon, il faudra y penser. Je m'inquiète quand même avec vous. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, c'est le DefiMix 80. Avec Stéphache. Avec Stéphache. Donc, Stéphache qu'on retrouve donc, la semaine prochaine. Il y aura d'autres invités, évidemment, qui vont venir s'intercaler. Je sais qu'on va recevoir les candidates donc, à l'élection donc, de Miss Moucron. D'ici quelques semaines. Ouais, c'est le 28 mars, il me semble. C'est le 28 mars, je pense, absolument. Donc, on aura l'occasion de faire leur connaissance. On recevra aussi d'autres artistes. C'est en réflexion. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ah, oui, bien sûr. Dans la joie et la bonne humeur. Absolument. Avec Flip 4, avec Sherlock, ouais. Avec Onissa et Canon qui, malheureusement, ne sera pas là la semaine prochaine. Yes! Donc! Et avec toi, Harry, quand même. Et bien sûr, je serai là. Alors là ou peut-être pas, on ne sait rien, on verra. Tu on verra seras ça. Là. Ok, ça marche. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien, restez à l'écoute de RQC, et puis bon, on termine en musique. Oui, alors bah, justement, pour se dire au revoir, encore avec un Michel, mais Paul Naref, ce coup-ci, avec Goodbye Marilou. Ah, c'est beau, c'est magnifique. J'aime bien cette chanson. Ouais. Allez, c'est parti. Gros bisous, bye bye. Bye bye, ciao. Merci Michel. Merci Kira. S'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra auquel trouve un rendez-vous. Message électrique quand elle m'électronique. Je